Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 7 ans, en décembre 2014, nous recevions dans notre épisode 188 un jeune vulgarisateur prometteur qui écrivait des notes de blog sur son blog, le Sense of Wonder. Il était si stressé qu'il avait appris l'intégralité de ses réponses aux questions par cœur pour ne pas risquer de se faire prendre en défaut. Ce soir, il revient sur Podcast Science, il a depuis lancé une chaîne YouTube à succès, le Sense of Wonder, et il vient de sortir un livre aujourd'hui même, Le Cosmos et nous. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021, nous recevons Sébastien Carassou, qui cette fois n'a pas de notes. Bienvenue sur Podcast Science, épisode 459. Et donc ce soir, nous avons une table virtuelle avec Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Cléora depuis la Normandie. Hello à tous. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et nous avons aussi une table physique chez Topo à Paris avec Topo. Et bonsoir tout le monde. Moi-même Johan et notre invité Sébastien Carassou. Salut Johan, salut tout le monde. Et donc, comme je le disais en introduction, Sébastien, qui est depuis longtemps... quelqu'un qu'on connaît bien dans l'équipe de Podcast Science. Et donc Sébastien vient de sortir aujourd'hui même un livre, Le Cosmos et nous, qu'il a la gentillesse de nous envoyer il y a 2 semaines pour qu'on puisse le découvrir. Et donc ce soir, nous le recevons pour en parler. Et donc on va parcourir ce soir donc, tes influences, certains des thèmes. Il y aura des questions de biologie, il y aura des questions de physique. Ah oui, je suis chaud. Voilà, sur la naissance du livre, comment les idées te sont venues, etc., etc. Et je propose, Pierre, si tu veux bien commencer. Le Cosmos et nous, c'est quoi ? Le Cosmos et nous, c'est un livre qui parle de grandes questions existentielles qu'on s'est tous posées un jour dans notre vie. Des questions comme de quoi sommes-nous faits ? C'est quoi notre place dans l'univers ? Est-ce que l'univers a eu une origine ? Ça veut dire quoi être vivant ? Est-ce qu'on est seul dans le cosmos ? Et donc j'ai traité voilà, ces 6 questions-là. Chaque chapitre, c'est une question. Et l'idée, c'est de faire un état des lieux rigoureux et clair de ce que la science du 21e siècle nous en dit, avec une espèce de petit recul historique dans l'histoire des idées et philosophique sur comment est-ce que ces questions ont été traitées dans l'Antiquité, dans le passé, plus ou moins récent, et comment est-ce qu'on a évolué pour arriver aux grandes questions qu'on se pose aujourd'hui. L'idée, c'est pas forcément de répondre à ces questions-là, parce que pour la plupart de ces questions, on n'a pas de réponse définitive, mais c'est de montrer qu'on commence à avoir des outils fiables, robustes, qui vont nous permettre, peut-être, dans les générations à venir, de répondre de manière relativement fiable à ces questions-là. Des questions comme sommes-nous seuls, par exemple, je suis vraiment convaincu qu'on est la première génération à avoir des outils pour répondre clairement à cette question-là. Alors, il faudrait que l'univers nous aide bien hein, et qu'on ait de la chance de découvrir un bon système avec les bonnes propriétés chimiques dans l'atmosphère des exoplanètes, par exemple. Mais on sera la première génération à avoir des outils qui seront capables de détecter ça. Et c'est ça que je trouve assez exaltant. Et donc, ça parle de ça. Ça parle de toutes ces grandes questions et sur comment est-ce que les sciences qui parlent pas nécessairement de grandes questions à la base qui se focalisent sur des problèmes à résoudre très pragmatiques. Comment est-ce que en prenant ces outils-là, on peut tenter d'y répondre ? Donc voilà, c'est un peu une tentative. Alors on verra si c'est bien ou pas. Et pour répondre à la question sous-jacente, c'est quel est le format ? En fait, chaque chapitre est un tout petit peu différent ouais. les uns des autres. Il y en a certains qui empruntent justement au style de la science-fiction et du livre dont vous êtes le héros pour cette réduction, ce voyage fantastique du premier chapitre, mais c'est pas le cas de tous. Alors moi en plus j'ai eu le plaisir de recevoir le livre Le Cosmos et nous en format chapitré puisque j'ai eu le plaisir de participer à la relecture de ce livre et je t'en remercie beaucoup d'ailleurs. C'était un grand plaisir, vraiment une lecture fascinante et en relisant un des chapitres justement que tu écris dans Le Cosmos et nous, il y a un moment où tu cites le naturaliste Alexander von Humboldt. Ouais. Et notamment son Cosmos. Et comme ton livre s'appelle Le Cosmos et nous, ça titillait ma curiosité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet ouvrage, Le Cosmos, et comment il t'a inspiré pour ton propre livre ? Absolument. En fait, il y a quelques années, j'ai découvert complètement par hasard un bouquin de l'historienne Andrea Wolf, qui s'appelle « L'invention de la nature » et qui, pour moi, a été une grosse révélation. En fait, c'est une biographie de, bah, du naturaliste et explorateur Alexander von Humboldt, donc un explorateur allemand qui a vécu au 19e siècle. Et en fait, l'histoire de la vie de ce type est absolument incroyable, enfin tellement incroyable que Darwin était complètement fanboy de ce type et qu'il emmenait des bouquins de lui à bord du Beagle et qu'il voulait, voilà, il voulait devenir le nouveau von Humboldt, et ça lui a plutôt bien réussi d'ailleurs. Et en fait, Humboldt, c'était un peu le Carl Sagan de sa génération. On le connaît, enfin, il était connu de l'intelligentsia du 19e siècle, notamment parce qu'il avait fait un voyage de 5 ans en Amérique latine, en Amérique du Sud, où il avait exploré des jungles, il avait monté le Chimborazo, enfin, il avait monté sur le Chimborazo, il avait... Le Chimborazo, tu peux nous rappeler? C'est l'un des plus grands sommets du monde, c'est dans les Andes, je crois. D'accord. Ouais, pas loin du Pérou. Donc en Amérique du Sud, dans son voyage. Ouais, en Amérique du Sud, ouais. Il a exploré pas mal l'Amérique du Sud. Et en fait, il a passé tout son voyage à tout noter, que ce soit la faune, la flore locale et même les cultures locales. C'était vraiment l'explorateur typique tel qu'on l'imagine aujourd'hui avec nos yeux occidentaux du 21e siècle. Sauf que lui, il était anti-colonisation en plus, donc avec des valeurs un peu plus modernes. D'accord. Et il était probablement queer, mais ça, on ne sait pas trop. donc voilà, et il se trouve que ce type avait une vision du monde absolument... qui, moi, m'a beaucoup parlé. Et qui était une espèce de vision de la science très romantique. La science, pour lui, c'était un peu son safe space. C'est là-dedans qu'il se complaisait, c'est là-dedans qu'il se réalisait. Et il avait une vision du monde qui était un peu holistique, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, sans le côté spirituel. Il voyait l'ensemble des choses de la nature comme interreliées dans une grande toile de cause et d'effet, comme il appelait ça. Et donc, il a décidé de passer... Alors, à un moment, il est sur Paris, le centre scientifique du monde, à un moment, et il adore ça. Et il se construit un réseau de malades avec tous les scientifiques de son époque. Il y a Cuvier, il y a Arago, il y a plein de gens. Et il y a une espèce de gros vivier. Il est invité à tous les salons. Et il décide de lancer une soixantaine de conférences de vulgarisation sur la géographie, sur les plantes, sur l'astronomie. Voilà, il en fait une soixantaine dans Berlin. À chaque fois, il y a des milliers de personnes qui viennent. C'est un truc de fou, quoi. C'était vraiment l'un des premiers vulgarisateurs de son temps. Et ça a un succès phénoménal. Et vers 1845, il décide de publier l'œuvre de sa vie, qui s'appelle Cosmos, un essai d'une description physique du monde, où il va essayer de caser l'intégralité de l'univers dans un livre, ou plutôt dans une série de livres, qui est une espèce de résumé de ses conférences, mais agrémenté de plein de notes qu'il a et plein de correspondances qu'il a eues avec tous les scientifiques de son époque. Genre, il a eu plus de 200, enfin plusieurs centaines de correspondances avec les intellectuels de son temps. Et en fait, c'est l'ampleur du projet qui m'a énormément parlé. Donc aujourd'hui, c'est un bouquin qui fait 5 volumes, plusieurs milliers de pages, qui a mis plus de 10 ans. Alors la publication, elle s'est étalée entre 45 et 62, entre 1845 et 1862. Et en fait, c'est devenu un énorme best-seller. Il y avait même des traductions sauvages qui apparaissaient dans plein de langues. Alors que voilà, à l'époque, je sais pas comment ils géraient le droit d'auteur, mais c'était le bootleg de l'époque. C'était les torrents de l'époque. Ouais. Exactement. Et en fait, ça a eu un impact assez déterminant sur plein de choses. Sur déjà la littérature américaine, il y a Henry David Thoreau, il y a Gregory Bateson, il y a plein d'intellectuels de son temps qui ont lu Cosmos et qui ont changé leur regard sur la nature et sur le monde après cette lecture. Et alors aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup parler de von Humboldt, même si ça a été le scientifique le plus célèbre du 19e siècle à son époque. Mais voilà, il nous laisse cette œuvre là, Cosmos, qui a marqué plusieurs générations de scientifiques et qui est basée sur plusieurs générations d'accumulation de connaissances. Et il avait même une manière d'accumuler des connaissances que je trouve assez incroyable. Il avait des dizaines et des dizaines de grandes boîtes où il mettait qui étaient thématiques, dans lesquelles il mettait à chaque fois qu'il apprenait quelque chose un truc dans la boîte. Et ça, personnellement, ça m'a beaucoup inspiré sur comment est-ce que je pourrais personnellement apprendre des nouvelles choses et partir au-delà de mon expertise académique pour écrire un truc qui soit pas juste sur l'évolution des galaxies, qui est mon expertise à moi. D'accord. Et du coup, en fait, voilà, Von Humboldt est devenu une espèce de rôle modèle pour moi, qui a existé il y a 2 siècles, mais qui reste un rôle modèle. J'ai pas lu Cosmos encore. D'accord. Parce qu'il se trouve que. Balèze quand même. C'est un peu balèze. Alors, l'introduction, elle fait 100 pages. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, on est sur. Voilà, le premier volume, il fait 600 pages et il y en a 5 comme ça. Donc, mais voilà, l'idée, c'est de parler de tout. De l'univers, des étoiles, de l'intérieur de la Terre, de la géographie, de comment est-ce que les civilisations dépendent de la géographie, de comment est-ce que. Et l'histoire des civilisations aussi. Et c'est l'ampleur du projet est absolument fantastique. Et quand j'ai découvert ça, bah voilà, je suis tombé complètement fan de ce type. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse la même chose en version updatée 2021 et avec peut-être un petit peu moins d'ambition parce que bah alors voilà. C'est pas en 5 tomes, on peut le dire déjà. C'est pas en 5 tomes. Alors, est-ce qu'il y en a un deuxième? Je ne sais pas. Ah qui oui, sait hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a un petit peu inspiré parce que ça a lancé tout un mouvement, une tradition littéraire qu'on appelle la tradition des grands récits scientifiques, dont se revendique ben, Carl Sagan, par exemple, avec son Cosmos, adapté de la série télé du même nom. Il y en a d'autres, hein, le biologiste de la conservation, là, E.O. Wilson, qui s'en revendiquait aussi. Alors, il appelait ça des Epic of Evolution, des épopées de l'évolution. Mais c'est un peu, voilà, l'idée, c'est de prendre notre existence aujourd'hui et de se demander d'où est-ce que tout ça vient et de se remettre dans le contexte d'une histoire plus large et pour, dans certains cas, même d'avoir un cadre théorique et d'essayer de faire ça rigoureusement, même si c'est très shady comme fondation. Et donc voilà, donc pendant plusieurs années, je suis tombé à fond là-dedans et je me suis dit, bon, bah, je veux faire la même chose en 2021. Comment est-ce qu'on case un univers tout entier dans un bouquin en 2021? Et bah, la réponse, c'est Le Cosmos et nous. Abonnez-vous, achetez-le. Donc voilà, bah donc Sébastien a pris 15 minutes pour répondre à la première question. Ah pardon, il n'y avait rien de prévu ce soir parce que nous sommes partis pour la nuit. Je vous avais pas prévenu, j'étais super bien hommage en tout cas. Je rigole, c'est très intéressant, c'est juste que ça. Il y a pas de souci, moi je suis parti, j'ai rien prévu demain, c'est férié. J'ai dit que le dernier podcast que j'ai fait, il a duré 6 heures. Ouais. C'était avec Léo de Science Forum. Énorme. Et donc, je voulais parler d'une autre de ces influences que tu as citées. Je voulais commencer par un petit extrait audio. Tu me diras si tu reconnais après. Il hoche la tête. Ça veut dire qu'il sait pas. C'est le bus magique, c'est ça. C'est toi. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. There's a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory of falling from a great height. We know we are approaching friends with this world. The size and age of the cosmos are beyond ordinary human understanding. Lost somewhere between immensity and eternity is our tiny planetary home, the Earth. For the first time we have the power to decide the fate of our planet and ourselves. This is a time of great danger, but our species is young and curious and brave. It shows much promise. In the last few millennia, we have made the most astonishing and unexpected discoveries about the cosmos and our place within it. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Oui, j'ai toujours été fan de C'est pas sorcier. Merci, Jamy. Ah, Ah, mais oui, non, mais ça me, à chaque fois, ça me fait des frissons. Hein. J'ai beau connaître quasiment par cœur cette réplique-là. À chaque fois que je l'écoute, ça me fait quelque chose. Quoi. Tu l'as, d'ailleurs, je le remarque en la réécoutant, que tu la cites quasiment dans la conclusion, le tinkling in the spine. Oui. C'est vrai. Tu décris ce sentiment qui a donné d'ailleurs le nom à ta chaîne, le Sense of Wonder. Tu le décris plusieurs fois, donc le sentiment dont vient de parler Carl Sagan là au début, qui est cette pression d'immensité. Donc, et c'est vrai qu'on pense immédiatement quand on lit le titre, et puis connaissant ton parcours d'astronome, on pense immédiatement à Carl Sagan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette influence? Carl Sagan, c'est peut-être la plus grosse influence de ma vie, je pense. C'est une espèce de maître à penser que j'ai jamais connu, mais que j'aurais vraiment aimé connaître quand il était vivant. Enfin, il est mort quand j'avais 4 ans, donc c'était un peu dur. Mais voilà, je l'ai découvert pendant mes années de prépa, à une époque où je me cherchais une identité et j'avais pas forcément les moyens de trier les informations aussi robustes que ce que j'ai aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait un gros passage dans le complotisme quand j'étais au lycée prépa. Donc voilà, je suis tombé dans tout le truc ésotérique, les ovnis, le 11 septembre n'a pas été fait par les Américains, tout ça. Et est arrivé Carl Sagan dans ma vie de manière complètement après presque par hasard. J'adorais le blog de Phil Plait, Bad Astronomy, qui parlait de pop culture, d'astronomie dans des films hollywoodiens, mais qui parlait aussi de scepticisme, ce qui fait partie des skeptics américains. Et c'est grâce à lui que je rencontre Carl Sagan. Donc Carl Sagan, qui est peut-être le plus grand vulgarisateur que le monde ait jamais connu, et je pèse mes mots. Plus que jamais. Voilà, c'est plus que jamais. Parce qu'en fait, ce mec a eu une influence considérable sur la vulgarisation telle qu'elle est faite aujourd'hui et sur des millions de carrières scientifiques depuis les années 80. Cosmos, qu'il réalise avec sa femme Andrian et Steven Sauter, c'est l'un des documentaires les plus vus de l'histoire de la télévision. Il a été vu par plusieurs centaines de millions de personnes. Et ce qui est absolument considérable, enfin, on parle d'un documentaire, quoi. Je sais pas si je connais aucun documentaire qui a eu le même impact sur la vie des gens. Alors en France, on le connaît peut-être moins bien parce qu'il passait sur Striptease, Antenne 2. On est plus Striptease que Cosmos, mais ça passait sur Antenne 2, genre à 23h à l'époque où j'étais pas né, donc moi je l'ai pas vu en français, quoi. Mais ouais. Et du coup, quand je découvre Cosmos de Carl Sagan, ça parle un petit peu à mon côté. Au côté un peu spirituel que j'avais, mais ça remplace le côté spirituel par un côté plus séculaire qui depuis voilà est resté et c'est toujours cette vision romantique des sciences qui nous vient de Humboldt. Je pense que Sagan a lu Humboldt ou a été inspiré par Humboldt d'une manière ou d'une autre, parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes thèmes qui interagissent. Donc je sais pas, hein, je suppute, j'ai pas lu ça dans sa bio, mais ouais, il a eu une grosse influence sur ma vie. Et notamment sur cette espèce de manière de parler du cosmos de manière très poétique, très lyrique, que j'avais pas retrouvé ailleurs. Pour moi, peut-être dans Hubert Reeves, on le retrouve un petit peu aussi, mais j'ai un petit peu moins grandi avec Hubert Reeves. André Barrique aussi, un petit peu, mais avec un ton très différent aussi. Mais voilà, j'ai surtout été influencé par Sagan à ce niveau-là. Et y a une espèce de vision un peu mythopoétique des sciences. Il essayait de mythologiser la science d'une certaine manière, en disant que voilà, nous sommes une manière pour le cosmos de se comprendre lui-même. Il y avait toujours ce sens de la formule qui est très, très américain, et les Américains, ils sont super forts à ça. Mais du coup, qui fait que le message, il te reste de manière émotionnelle pendant super longtemps. Et voilà, Carl Sagan, c'est quelqu'un que tu retrouves sur des trucs de citation, sur Facebook avec sa tête, un petit peu partout. Ouais, c'est quelqu'un même, extrêmement citable, mais dans le bon sens du terme, quoi. Il y a peu de fausses citations de Carl Sagan. Il y en a, mais il y en a moins qu'Einstein. Mais donc, ouais, la plus grosse influence de ma vie, je pense, et sur ma manière de voir le monde aujourd'hui et de voir les sciences. Moi, j'ai une petite question, justement, parce que là, ça m'a intrigué ce que tu viens de dire, c'est que au moment où tu étais complotiste, tu consultais quand même des blogs. ouais. de scientifiques. Tu penses que c'était parce que tu as poursuivi un intérêt classique pour les sciences précédents ou parce que Phil Plait t'a accroché malgré le fait que tu sois complotiste? Non, je pense que c'est vraiment une... Enfin, je lisais énormément de scientifiques aussi. C'était pas le problème. En fait, je voyais pas de contradiction fondamentale entre ce que je trouvais dans le rayon science de ma bibliothèque et ce que je trouvais dans le rayon ésotérisme. Pour moi, c'était parfaitement compatible. Et dans plein de pseudosciences, t'as des mécanismes qui font intervenir des vraies sciences, mais parfois qui la dévoient, qui leur font dire des conclusions qui ne disent pas, qui vont utiliser la mécanique quantique, par exemple, et pour dire que la conscience va générer un effet sur le monde quantique, ce qui est basé sur de vrais débats sur l'ontologie de la physique quantique, mais ce qui ne se dit pas du tout dans ces termes-là, dans les cercles scientifiques. Donc pour moi, je ne voyais pas de problème, en fait. Et c'est vraiment avec Phil Plait et le mouvement des sceptiques américains, les mouvements un peu rationalistes. Après, je me suis un peu écarté du rationalisme en général, mais disons que j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'écouter ça à ce moment-là pour pouvoir passer du côté lumineux de la force, on va dire. Non, mais ce que tu dis, je trouve que c'est très vrai sur les pseudosciences et tout ça. Je veux dire, on le voit pour le créationnisme, mais aussi pour d'autres choses. Tu as une littérature, en fait, même avec des articles, des bouquins où les gens se citent. Enfin, finalement, ouais. Tu te retrouves à avoir une espèce de démarche scientifique. Presque. Exactement. Dans ouais. pseudosciences qui peuvent, si tu vois ça de loin, paraître un peu similaires. Quoi. Si ce n'est que pour le créationnisme, il y a des gens qui peuvent y rentrer de par la religion, chercher oui. des documentations qui pensent être scientifiques, tomber sur l'intelligence design qui a ce religion, ouais. et rester dans ce microcosme, on va dire, sans porosité Exactement. Avec la science. Et là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. C'est-à-dire que Alors, vraiment, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai été radicalisé sur Internet, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Sauf que j'ai jamais eu la chance, entre guillemets, de rencontrer des gens... Enfin, si, j'ai eu une fois la chance. C'est-à-dire que quand j'étais en prépa, il y avait un espèce de grand colloque sur l'ufologie. Donc c'était une espèce de grand rassemblement de tous les ufologues du monde entier qui étaient venus là. Et j'avais décidé d'y aller en payant 80 boules la place quand même. Donc j'étais avec mon petit salaire d'étudiant, c'était nul. Mais j'y suis quand même allé. T'avais des gens comme Jean-Pierre Petit qui venait t'expliquer comment les soucoupes volantes fonctionnaient avec de la MHD. T'avais l'ancien ministre de la Défense britannique qui était là. Je sais pas comment il est arrivé là. T'avais Claude Nicollier qui avait réparé le télescope spatial Hubble. Et puis t'avais des gens qui étaient venus là pour vendre leurs bouquins, mais de manière tellement transparente et malhonnête que ça se voyait sur leur visage. Voilà, j'ai pas envie de faire de délit de faciès, mais là, ça se voyait vraiment. Et en fait, c'est en rencontrant ces gens-là de face pour la première fois. Alors, t'en as qui étaient là de très bonne foi. Hein, t'avais des associations qui étaient là pour montrer, pour essayer de faire de la science citoyenne pour en mettant des espèces de spectromètres devant des caméras de téléphone pour voir si ce qu'on voyait avec les caméras. Quand tu vois un ovni, t'es censé mettre le spectromètre, l'espèce de filtre là, sur ta caméra pour analyser son contenu. Enfin, voilà, il y avait des idées quand même. C'est OVNI net. C'est un peu ça. Sauf que entre ces gens-là, t'avais aussi plein de gens qui étaient des purs charlatans. Et en fait, le fait de rencontrer ces charlatans pour la première fois et de me confronter à eux, surtout que à ce moment-là, je commençais à lire Phil Plait et je commençais à avoir les bases critiques pour répondre à ces arguments-là, ça a été vraiment le truc qui m'a fait m'éloigner très rapidement. Donc, je pense qu'il y a eu un bon timing. Sinon, je serais devenu parapsychologue aujourd'hui, je pense. Okay. Et ça aurait été les ovnis et nous. Très bien. Et ça aurait été les ovnis et nous, exactement. Préface par Jean-Pierre Petit. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres influences en particulier ou est-ce que ça en a déjà beaucoup? Ah, il y en a plein d'autres. Il y en a une que j'aime beaucoup qui est un best-seller, c'est Bill Bryson, une histoire de tout ou presque. Moi, c'est ma première rencontre avec, avant de rencontrer Sagan, avant de rencontrer Humboldt, je rencontrais Bill Bryson, qui est ce journaliste, je crois qu'il est britannique. Qui fait plein de récits de voyage, mais qui fait aussi des petites incursions dans les sciences de temps en temps, et parfois ça donne une pure merveille, comme une histoire de tout ou presque, qui est, tout est dans le titre, quoi. L'idée, c'est de faire de l'histoire des sciences depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, et de voir comment est-ce qu'on a su tout ça, quoi. Comment est-ce qu'on a su qu'il y avait des dinosaures? Comment est-ce qu'on a su qu'il y avait l'univers en expansion? Comment est-ce qu'on a su? Et c'est écrit avec brio, avec un petit peu d'humour. Et moi, ça m'avait beaucoup parlé à l'époque où je l'avais lu. Bon, j'ai essayé de ne pas le relire pendant que j'écrivais mon bouquin, histoire qu'on ne me dise pas que je fais du plagiat. mais voilà, je ne peux pas nier cette influence-là qui a été quand même très, très grande. Et puis, la plus récente influence que j'ai eue, c'est celle du physicien Sean Carroll, qui, pour moi, est la personne qui fait le plus de bien au débat public autour des sciences aujourd'hui, en 2021. C'est un type qui te parle de philosophie, qui te parle de biologie, qui te parle de physique, qui te parle de plein de sujets. Alors lui, il bosse au Santa Fe Institute, donc c'est un institut interdisciplinaire où il parle de plein de questions. Et il a ce podcast qui s'appelle Mindscape, où chaque semaine, je crois, il invite une personne, un expert ou une experte différente, ou alors des gens qui sont du milieu culturel en général. Et il a des conversations de 1 à 2 heures sur des sujets les plus à la pointe possible de tout, sur l'émergence de la conscience, sur les intelligences artificielles, sur qu'est-ce que le vivant, sur c'est quoi sur l'exobiologie. Enfin, il y a plein de thèmes qui sont traités. Et en fait, j'ai passé 4 ans à écouter ça toutes les semaines. Et ça m'a énormément influencé sur les sujets que j'ai pu trouver, sur certaines approches à des sujets. Je me suis retrouvé à lire des articles de revue écrits par des invités de Mindscape. Et c'est comme ça, en fait, que je découvrais plein de sujets qui n'étaient pas mon sujet d'expertise, mais qui m'ont ouvert à des sujets d'une manière assez, assez rigoureuse. Parce que le ton de Mindscape, il est toujours très rigoureux, très basé sur l'état des lieux, des connaissances, même si on va parfois sur du fringe, mais quand on va sur du fringe, on l'assume et on dit c'est fringe et c'est controversé et c'est important de le dire. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu dans le paysage. Alors, je pense que Podcast Science est complètement là-dessus aussi. Donc, On a déjà invité plusieurs fois Sébastien Carassou, Sean Carroll. Très sérieux. Sean Carroll, Sean Carroll qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Tout, The Big Picture en anglais. Mais quand même une tendance, Bill Bryson, Sagan, etc., à avoir des titres un petit peu englobants. Hein, genre, ah, mais complètement. Le cosmos. Ah, mais c'est hubris. Tout ce qu'il faut savoir. C'est pas la petite chose, c'est le grand tout. Bah, en fait, c'est ça qui m'intéresse dans les sciences, quoi. Moi, très franchement, j'ai jamais eu le profil de quelqu'un de très technique. Pendant ma thèse, j'ai passé 90% de mon temps à débugger du code. C'est pas ça qui m'intéresse dans les sciences. Ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux grandes questions sur la vie, l'univers, le reste. Et c'est ça que j'ai essayé de transcrire dans ce bouquin, cette espèce d'état d'excitation dans lequel je me mets quand je découvre des trucs complètement nouveaux et à une échelle qui me dépasse. Et même si les détails s'avèrent faux une décennie plus tard, c'est pas très grave parce que on a une manière d'aborder ces questions et on les traite, ces questions, de manière sérieuse, enfin, la plus sérieuse possible à un instant T. Et moi, c'est ça qui me... Ouais, c'est ça qui m'excite. Une question un peu liée à ça, tu vois, à tout ton processus du livre, qui est que finalement, tu parles de science, tu parles d'histoire, tu parles d'anecdotes, tu as des parties plus romancées. Comment tu définirais ton livre, en fait ? Parce que moi, tu vois, quand j'y pense, j'ai du mal à le classer et je trouve que c'est génial parce que tu as toutes ces petites parties. Ouais, on m'a souvent dit ça, oui. En fait, je considère ça comme un plaidoyer pour l'émerveillement, parce que c'est vraiment ça que j'aimerais que les gens en retirent à la fin de leur lecture, c'est de dire que ça fait plusieurs siècles qu'on travaille sur plein de questions fondamentales, avec plein d'approches qui sont fascinantes et parfois des histoires humaines qui sont derrière, qui sont géniales. Et la science, c'est ça, c'est des gens qui dédient leur vie à répondre à des questions. Parfois, ils y arrivent pas, parfois, ils y arrivent. C'est une activité qui est dans son ADN, qui est purement collaborative, et idéalement, qui devrait être un processus où les gens sont pas en compétition, mais qui sont en train de partager leurs données, et de partager leurs modèles, et de discuter joyeusement. En pratique, évidemment, c'est autre chose. Et surtout, avec les politiques de la recherche aujourd'hui, ça ne va pas dans le bon sens, à mon sens. Mais l'idée, c'est de ramener cette vision de la science un peu romantique, à la Humboldt. Voilà, je vais remettre Humboldt au centre, parce que ça fait quoi ? Ça fait une demi-heure que j'ai pas parlé de lui, quand même. et du coup, voilà, donc c'est l'idée. C'est de voir que la science, ça nous permet de d'étendre notre champ de perception, de créer une espèce de d'univers intersubjectif qui est pas l'univers. C'est pas on va pas révéler l'univers, on va trouver des structures qui se rapprochent le plus de ce que nous, on arrive à percevoir de l'univers. Alors, percevoir au sens large, c'est-à-dire avec nos sens, mais aussi avec nos prothèses électromécaniques qui sont nos télescopes et nos microscopes et nos accélérateurs de particules. Et voilà. Et pour moi, c'est des espèces de métonymies de nos sens, quoi. C'est des extensions de nos sens qu'on utilise pour accéder à des réalités cachées. Et ces réalités, elles sont là. On peut pas ressentir les vibrations des champs quantiques, on peut pas ressentir les tremblements de l'espace-temps quand il y a deux étoiles à neutrons qui fusionnent entre elles à l'autre bout de l'univers. On peut pas sentir ça avec nos corps. Par contre, tout ça est là en même temps. Et si on en prenait conscience à un moment de manière purement méditative, déjà on se ferait moins chier dans la vie et on trouverait que le monde est peut-être un peu plus beau que ce qu'il est à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça le message. C'est une grosse définition, mais c'est une belle définition. Stop pour vérifier. Ok. Et du coup, il y a une question qui nous a interpellés, donc tous les trois qui avons préparé cette interview, Alexa, Topo et moi, qui est justement rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Donc au moment où c'est de l'exploration du corps de Monsieur Tompkins, la première chose qui arrive, c'est une minimisation de votre personnage. Et la première chose que tu racontes, c'est que la personnage voit flou. Ouais. Et donc, moi, ça m'a interpellé. Je crois que ça m'a interpellé beaucoup. Donc, est-ce que tu peux raconter un petit peu pourquoi tu dis ça à ce moment-là, quoi? Ok, pourquoi je dis ça à ce moment-là? En fait, l'idée, c'est de faire le voyage à travers les échelles le plus réaliste possible. Moi, à la base, quand j'ai imaginé ce chapitre pour la première fois, c'était juste une simple liste des différentes structures qu'on peut trouver dans l'infiniment petit. Et ensuite, je me suis relu, j'ai trouvé ça extrêmement chiant, et je me suis dit non, on va pas faire ça, on va faire un voyage dont vous êtes le héros, parce que j'aimais bien les voyages dont vous êtes le héros quand j'étais au collège. J'étais quelqu'un de très solitaire au collège. Justement, c'est une question que j'avais plus tard. Ah non, pardon, mais je l'ai. Tu as bien révélé. J'ai poncé la collection Loup solitaire. Ah. Et donc voilà. J'avais très envie de remettre les gens dans cette ambiance-là, que je pense qu'il y a. Voilà. C'était pas mieux avant, mais quand même, quoi. Ça l'était. Voilà. Et donc voilà, l'idée c'est de plonger le lecteur dans ce voyage, et ça m'a fait réfléchir à quoi ça pourrait ressembler en vrai. Alors au début, la première itération de ce chapitre, c'était une espèce de voyage introspectif, en mode je transformais le lecteur en fantôme et je le faisais voyager à l'intérieur de lui-même. Et c'était très bizarre, parce que il a fallu que j'invente au fur et à mesure de plus en plus de règles non physiques pour expliquer comment il interagit avec le monde quantique, comment gnagnagna, tout ça. Et ça créait plus de problèmes qu'autre chose. Du coup, je suis parti sur Ant-Man, qui est une référence que tout le monde connaît à peu près aujourd'hui, enfin surtout depuis les films. Et donc voilà, l'idée c'est qu'est-ce qui se passe quand Ant-Man rétrécit. Et il y a un physicien qui s'appelle Jim Kakalios, qui a été consultant sur pas mal de films Marvel et qui a publié un bouquin qui s'appelle La physique des super-héros, où il raconte, il fait textuellement ce que j'aborde dans ce chapitre, c'est qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce que verrait, qu'est-ce que sentirait, qu'est-ce que entendrait Ant-Man. Et en fait, la réponse qu'il a, c'est pas grand-chose, parce que on a une ouverture dans l'œil qui s'appelle la pupille, qu'on peut dilater selon les conditions de luminosité. Et cette pupille, elle prend la lumière incidente et ça crée une espèce d'obstacle à travers la lumière, à travers laquelle la lumière peut passer. Et donc ensuite, la lumière est focalisée sur la rétine. Oui. Donc pour recontextualiser, à ce moment-là de ton voyage fantastique, Ant-Man fait la taille, enfin nous qui sommes avec cette combinaison, on est à la taille d'un millimètre. Oui, dans la taille d'une fourmi, quoi. Donc la taille, l'œil est beaucoup plus petit et notamment cette pupille est d'autant plus petite. Tu l'estimerais à quelle taille justement la pupille? La taille de la pupille c'est 5 mm environ en moyenne, mais la taille d'un être humain 1000 fois plus petit, donc de 1 mm, c'est à peu près 5 microns. Voilà. D'accord. Donc 5 microns c'est à peu près 2 à 3 fois la longueur d'onde moyenne du visible. Sauf que il se trouve que quand tu essayes de contraindre le trajet d'une onde lumineuse à travers un obstacle, par exemple une pupille ou dans le cas d'une vague qui arrive dans une digue, la digue, selon la taille de l'obstacle, si la taille de l'obstacle est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de l'onde incidente, tu vas avoir un phénomène qui s'appelle la diffraction, qui va faire que quand tu as une onde qui est plane, qui débarque sur cet obstacle, et bien cette l'onde qui va sortir de cet obstacle, qui va émerger de cet obstacle, et bien il va pas être plan, elle va pas être plane. Les directions de propagation de l'onde vont être multipliées et on va avoir une onde qui est circulaire. Et donc c'est ça qui va se passer quand Ant-Man va rétrécir à la taille d'une fourmi, c'est que la taille de la pupille, donc la taille de l'ouverture, sera du même ordre de grandeur que les longueurs d'onde que perçoivent nos yeux. Alors on peut se demander légitimement, est-ce que un Ant-Man percevrait les mêmes longueurs d'onde que un Ant-Man de la vraie vie, enfin de taille humaine. Et ça, je me suis longtemps posé la question. J'en ai discuté avec Roland Lehoucq notamment. Je lui ai demandé, est-ce qu'un Ant-Man, un vrai Ant-Man, il verrait dans les UV? Et j'en ai discuté avec Jean-Philippe Usan aussi, au Festival de Florence. On a eu des longues discussions comme ça autour d'une table sur à quoi ça pourrait ressembler. Et en fait, la réponse, elle était beaucoup plus compliquée que ce à quoi je m'attendais. À la base, je m'étais dit, bon, bah, si on a la rhodopsine, qui est cette protéine à l'intérieur des bâtonnets de notre rétine, qui est excitée par les ondes lumineuses, si on divise par 1000 la taille d'une molécule de rhodopsine, enfin, d'un pigment de rhodopsine, peut-être que on va diviser par 1000 la taille d'une longueur d'onde incidente. Et en fait, pas vraiment, en fait. Et en fait, je sais même pas ce que ça voudrait dire de réduire la taille d'une molécule à cette échelle-là. Donc, je suis obligé de passer par des trucs non physiques juste pour pouvoir engager mon lecteur dans des mondes qui sont fondamentalement impossibles à contempler avec nos sens. Et du coup, je dois trouver des trucs des ressorts narratifs pour garder une cohérence tout en ne dévoyant pas la science. Et du coup, je me suis retrouvé à jouer un espèce de jeu d'équilibriste auquel j'avais jamais joué avant. Et du coup, c'était super fun. Donc, j'avais l'impression de manier une espèce de boîte de bac à sable. Mais en même temps, ça implique de faire des choix sur comment est-ce que ton Ant-Man y perçoit le monde à l'échelle microscopique. Et donc, j'ai inventé ces espèces de systèmes que j'appelais Dans Ant-Man, le héros, il peut être réduit en étant exposé à un flux de particules élémentaires qu'on appelle des particules PIM, qui était voilà le ressort narratif des auteurs de Ant-Man. Et ben moi j'ai décidé de pour percevoir le monde autour de lui, notre lecteur Ant-Man va percevoir le monde avec des particules Karasu qui seront émises par le casque de la combinaison et qui vont rebondir sur le monde autour de lui et sans interagir trop avec l'environnement. Parce que sinon, dans le monde quantique, ça va créer des problèmes, parce que l'interaction a tendance à réduire la fonction d'onde, enfin, à stabiliser certains systèmes quantiques. Donc voilà, je me suis retrouvé à jouer à ce jeu-là, et à chaque fois que je changeais d'échelle, je devais faire des choix sur qu'est-ce que je vais montrer et qu'est-ce que je vais pas montrer, comment je vais le montrer, est-ce que je parle de couleur, je peux pas parler de couleur, parce qu'il n'y a pas de couleur à l'échelle microscopique, ça n'a plus de sens de parler de couleur. Donc voilà. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a sur cette tu peux en parler, Joanne. Tu voulais proposer justement qu'on fasse ce fameux what if sur les yeux, ouais. Ouais. Parce que du coup, moi, la première chose, donc moi je lis ça et j'étais avec un copain qui fait aussi beaucoup d'optique, parce que moi ma spécialité en tant que chercheur, c'est la résolution angulaire, c'est la taille des télescopes. Parfait. Et voilà les tâches de diffraction avec. Je bosse littéralement dans une équipe qui s'appelle Haute Résolution Angulaire. Et du coup, je dis... J'aurais dû te faire lire le bouquin, je pense. Je réalise mon erreur maintenant. C'est trop tard. Trop tard maintenant. Tu m'ajoutes en co-auteur ou je te tape en référé, donc tu as choisi la deuxième option. Il faut tout réimprimer, on arrête tout. Non, mais en fait, au début, je me dis... Mais c'est ça que je trouvais assez amusant, c'est qu'au début, je me dis, mais non, mais... Donc, en fait, ce qui fait le flou, selon moi, c'est le fait, effectivement, que cette tâche grossit. Et que du coup, ce qui fait le flou, c'est qu'on a nos pixels de notre caméra, qui sont les bâtonnets, les cônes, etc. Du coup, il se retrouve, il y a du coup plus de pixels pour tâche, par une tâche. Oui. C'est ça qui fait le flou. Et alors du coup, je me suis retrouvé un peu les mêmes problèmes que toi, tu te posais sur la taille de la molécule. Je me suis dit, est-ce que si on diminuait à cette taille-là, est-ce qu'on garderait la même densité de ces molécules, donc de ces détecteurs, ou est-ce qu'on pourrait se dire que finalement les détecteurs, bah, on baisserait la densité de ces molécules avec. Mais effectivement, si on garde exactement la même densité de pixels, et bah oui, la tâche grandit. Et dans ce cas-là, effectivement, alors, j'ai fait un choix explicite au début du chapitre. Je peux pas faire en sorte. Il y a deux solutions quand tu essaies de rétrécir un type de manière fictive. Soit tu lui enlèves des particules pour le rendre moins dense, soit tu gardes sa densité Enfin, c'est soit tu gardes la masse et tu diminues le volume, et dans ce cas-là, tu te retrouves avec un Ant-Man de la taille d'une fourmi, mais de la densité d'une naine blanche. Donc c'est un peu nul. T'as pas envie que ça arrive. Ça, le pauvre monsieur Tompkins, il va être, il va tout de suite pas aimer ça. Mais voilà, j'ai décidé de garder la densité par un processus narratif qui n'est pas expliqué. Dans Ant-Man, c'est expliqué. Hein, c'est genre les particules. C'est même dangereux pour la santé d'être exposé à des particules PIM trop longtemps, parce que ces particules PIM, quand elles interagissent avec tes particules, elles envoient certaines de tes particules, alors elles sélectionnent bien évidemment, dans un univers parallèle où elles sont stockées jusqu'à ce que t'en aies rebesoin. Et quand tu rechanges de taille, tu peux les garder. Alors ça marche bien quand tu descends de taille, mais quand tu augmentes de taille, ça marche plus. Mais bon, bref, ça peut pas être cohérent, ce truc. Ça ne peut pas fonctionner de manière physique. Mais en tout cas, il y a quand même un effort qui est fait de la part des scénaristes d'essayer de rendre ça un poil cohérent. Et moi, je salue cet effort. Voilà. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Alexa, mais nous, en tant que biologistes, on a des réclamations à faire. Toi, quelle serait ta réclamation? Oui. Allons-y. Non, alors désolé, ça tombe pas. Moi, j'ai bossé sur les yeux de chauve-souris longtemps. Incroyable. Tu vois comment ça se passe? Tu te rends compte le nombre de co-auteurs qu'il fallait rajouter dans ce chapitre? Voilà, je suis un peu, voilà. Donc ouais, non, moi en fait, quand j'ai lu, j'ai eu la même réaction que Topo. Je me suis dit, mais attends, il y a plein d'animaux qui sont tout petits, yes, alors qui n'ont pas nécessairement des yeux, ouais, de vertébrés comme tout nous, fait, hein, parce tout que nous fait. On a un œil, donc avec une, un peu comme un, je veux dire, c'est l'appareil photo qui est comme nous, mais un peu comme un appareil photo avec une lentille, avec un diaphragme qui est la pupille qui grandit, rétrécit pour faire entrer la lumière, et une couche de photorécepteurs sur le fond qui est un peu le détecteur, en fait. Ouais. Et du coup, moi, la première chose que je me suis dit, c'est effectivement la considération que tu as amenée, qui est que la lumière, effectivement, par rapport à la taille de la longueur d'onde, au bout d'un moment, on va interférer avec la pupille. Mais je me suis dit, à la taille d'une fourmi, un millimètre, ça doit encore marcher. Mm-hmm. Et par rapport à tes considérations sur les couleurs, je me suis dit, en fait, c'est pas tellement la longueur d'onde qui va jouer ici. Ça va être aussi, est-ce que le Ant-Man va avoir les photorécepteurs qu'il faut pour capter la lumière? En fait, les photorécepteurs, on en a trois. Pour les cônes, on a vert, rouge et bleu chez l'homme, mais chez d'autres espèces, par exemple les chauves-souris, elles peuvent avoir vert et UV. Et en fait, ce qui va déterminer ta capacité à voir de l'UV, par exemple, c'est pas la longueur d'onde de la lumière qui arrive finalement. Enfin, bien sûr que si, puisque si t'as pas d'UV qui arrive, tu les verras pas, mais ouais. Ça va être aussi, est-ce que t'es capable de les voir? Nous, on peut pas les voir parce qu'on n'a pas notre cône bleu, il est bleu, il n'est pas shifté dans l'UV, donc on peut pas le voir. Donc je me suis dit, voilà, il y a la première considération qu'il y a à avoir, c'est ça. Et après, ouais, je me suis vraiment demandé la mise à l'échelle, quoi. Tu vois, on a nous, on a des gros yeux, hein, je veux dire, l'homme, voilà. Mais si tu prends une chauve-souris, par exemple, elle a un œil qui est organisé exactement comme le nôtre, qui est bien plus petit. Tout à fait. Et cette mise à l'échelle, en fait, elle, a priori, enfin, on peut jamais savoir directement ce que les animaux voient, mais a priori, elle nous pose pas de problème. Donc, ça veut dire que la mise à l'échelle, jusqu'à certaines limites physiques, en fait, on arrive à la faire, l'évolution arrive à la faire, en fait, plutôt bien. Et après, pour les animaux encore plus petits, donc par exemple les fourmis ou des insectes, des choses comme ça, la façon de l'œil est organisé différemment. On a des yeux composés. Alors, vous voyez tous les yeux de la mouche, là, avec ces petites facettes. Où en fait on a un œil qui est organisé très différemment et où on a des phénomènes de diffraction de la lumière qui interviennent d'ailleurs, il me semble que c'était discuté à un moment, permettent justement de repousser certaines limites de diffraction qui peuvent poser problème à petite échelle. Voilà, alors moi ce que j'ai lu sur le sujet, parce que j'ai révisé maintenant que vous m'avez lancé sur le sujet, et j'ai lu un article de revue de Michael Land qui est spécialiste de la vision dans le monde animal et des insectes, enfin dans le monde animal en général, et il disait que dans le monde des insectes, l'insecte avec la plus grande acuité visuelle, c'est la libellule. Les libellules qui a une espèce de lentifiche-eye qui est composée de 30 000 omatidies, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. C'est les facettes dans un œil composé. Et en fait, ces omatidies, elles sont nécessairement petites, donc elles sont limitées par la diffraction. Mais leur arrangement fait que ils ont une vue à 360 degrés et l'arrangement optique fait qu'ils arrivent à voir de près et de loin. Sauf que l'acuité visuelle, elle est 100 fois moins forte que celle des humains. Qu'est-ce qu'il entend par acuité visuelle? Alors, il y a une définition mathématique de l'acuité visuelle. Alors, je l'ai pas ici, malheureusement. Je pourrais pas te dire. C'est une résolution. Ça joue sur quel paramètre? C'est une sorte de résolution. Ouais. C'est la résolution optique. Oui, c'est la résolution et la netteté, en fait, aussi. D'accord. À quel point tu peux discriminer des détails. Yes. Et il se trouve que voilà, il a fait le calcul, Land. Si tu voulais avoir un œil de libellule qui soit avec la même acuité visuelle qu'un humain, il faudrait que cet œil fasse 6 mètres de haut et qu'il soit composé de millions de d'omatidies différents. Donc voilà, le monde des insectes, certes, a plein de manières plein d'architectures d'yeux très différents. J'ai appris aussi que les trilobites, alors juste. Fun fact, parce que j'ai trouvé ça renversant. C'est dingue, les trilobites. Les trilobites ont des lentilles dures dans leurs yeux qui est fait de cristaux de calcite. Alors, nous, on a des lentilles molles, c'est nul. Eux, ils ont des putains de cristaux dans les yeux. Enfin, ça existe plutôt que seulement citer les trilobites. Il y a des animaux, les chitons, qui ont ce système de lentilles sur leurs yeux et qui vivent à l'heure actuelle. Les chitons, c'est une sorte de mollusque, on les appelle les polyplacophores, et ils ont des yeux en pierre, quoi. En gros, littéralement, c'est des yeux en roche, quoi. Ouais, non, c'est complètement dingue. Voilà. J'apprends ça aujourd'hui. Sachant que les trilobites, ce qui est encore plus fou, c'est que t'as des architectures d'yeux hyper différentes selon les espèces, quoi. T'en as qui ont des espèces d'yeux en tube, t'en as qui ont des espèces d'yeux un peu plus ronds, enfin... En fait, quand tu regardes l'espèce de trilobite, là aussi, l'évolution s'est fait plaise. Enfin, il y a plein de... Enfin, c'est fascinant, quoi. Il y a tellement de possibilités qui sont censées être en adaptation avec le milieu, bien sûr. Mais tu juges donc qu'ils verraient tout de même flou, même s'ils avaient ces lentilles en calcite, etc. Et ils n'auraient pas... Bah, t'as vraiment une limite physique, hein, qui est la limite de diffraction et qui dépend, comme dans un télescope, qui est proportionnelle à la taille de l'engin et qui est inversement proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière incidente. Mais ça donc tout de même été... tu peux compenser en ayant des longueurs d'onde plus petites ou ils ne voient pas flou parce qu'ils ont sans doute moins de cônes, en fait, c'est-à-dire que si à la fin d'un à la fin d'un télescope, moi je parlais de télescope parce que ce que je connais le mieux, mais c'est la même chose pour un œil, donc vous mettez un télescope et un détecteur au bout. Si vous mettez 10 fois trop de pixels, vous allez avoir beaucoup de pixels et finalement cette tâche de diffraction qui va limiter en fait les plus petits détails que vous allez voir, vous allez avoir beaucoup trop de pixels pour mais d'une manière générale quand on fait un télescope, on va adapter, ça sert à rien d'avoir 10 fois trop de pixels, on va mettre peut-être 2 pixels sur cette tâche et du coup on n'aura pas l'impression de voir flou parce que du coup on adapte le nombre de pixels qu'on met à la taille de la tâche, ce qui arrive pour nous, c'est-à-dire que nombre de nos cônes et nos bâtonnets est adapté à la taille de notre tâche. Pour résumer, oui, on mais voit alors flou. La différence avec les insectes, en fait, c'est que tu peux considérer chaque omatidie, chaque facette comme un pixel, tu vois ce que je veux dire? En fait, l'œil des insectes par rapport à notre œil est différent en ça. En fait, c'est comme si tu avais plein de petites lentilles et après le cerveau retraite tout ça. Alors que l'œil humain, tu as une lentille avec ta résolution et tes pixels au fond. Chaque omatidie, c'est une lentille et un. D'accord. Et ben donc, les omatidies, c'est de l'interférométrie. Donc, je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, tu fais interférer tous ces signaux-là à l'intérieur de l'œil. Et j'ai du coup vachement envie de me renseigner là-dessus. J'adore cette discussion. Voilà, je tiens à le dire. Donc, je disais que. Ce que tu suggérais, tout simplement, c'est que le cerveau de l'insecte ou le mécanisme... Parce que moi, mon premier réflexe, en fait, quand j'ai lu ce chapitre-là, c'est de me dire, mais pourquoi il utilise des ondes Karasu, même si le gag était très bon. Il aurait pu mettre une sorte de casque qui fonctionnerait comme des yeux de fourmis. Et ensuite, laisser un traitement... un algorithme, reconstituer l'image pour les yeux avec une petite image pour Ant-Man, à l'intérieur de cette combinaison. Alors, je peux répondre à ça d'une manière complètement très pragmatique. Oui. C'est que je voulais que j'ai des particules qui interagissent avec des systèmes quantiques à un moment. Ah, plus tard, pour d'accord. Pour pouvoir, de manière purement didactique, expliquer comment est-ce que la réduction du paquet d'ondes ou la décohérence apparaît dans un système quantique. C'est-à-dire que t'as un système quantique qui a plein d'états, qui est dans plein d'états en même temps, en tout cas dans l'interprétation de Copenhague, qui est l'interprétation que j'ai choisie dans ce bouquin. Et donc voilà, t'as ce système qui est dans plein d'états différents en même temps, dans une superposition d'états, et tu vas faire interagir ce système avec plein de particules, ou l'environnement, ou ça dépend de comment tu l'appelles. Et si t'as suffisamment flux de particules, ça va le forcer à rester dans un état, de choisir un état parmi plein d'autres. Et c'était ma seule manière de rendre ça pas de accessible et de pas parler de bah, de trucs qui sont un peu tarte à la crème en physique quantique mais qui sont super intéressants ouais. comme les fentes de Young, ce genre de trucs. Je voulais pas aborder ça de manière super scolaire comme on le fait d'habitude. D'accord. Je voulais vraiment qu'il y ait un côté didactique et voilà que à un moment les particules Carassou elles sont pas émises à flux constant et donc il y a une espèce de dysfonctionnement du casque et donc t'as le héros qui va taper sur son casque pour essayer de faire émerger plein de particules et puis à chaque fois le système quantique il est dans plein d'états différents à chaque fois que le casque il se rallume et c'était une manière en fait de montrer que un système quantique, il est modifié par l'interaction, par l'observateur. Et c'était une manière voilà, un peu détournée, mais j'espère pas trop fausse. non, mais c'est marrant parce que tout de suite, ça trigger trois sortes de scientifiques à cette table. Et je trouve que c'est vraiment intéressant à quel point la vulgarisation, alors que quand on est assis sur dans une place dans un cinéma, on est là, ouais, bon, bah, on est rétréci, on s'en a rien à foutre. Et dès que c'est Sébastien qui écrit un chapitre dans un livre de vulgarisation, mais on est là genre « Ah, qu'est-ce qu'il raconte ?» Mais c'est là que je trouve super intéressant et je m'attendais vraiment pas à ce que ça vous trigger à ce point, ce passage-là en particulier, parce que pour moi c'était quelque chose de presque acquis, même si j'ai quand même réfléchi beaucoup à quel choix j'allais faire. Mais à chaque fois, c'est des choix qui sont conscients et je pense que c'est ça qui est important dans la vulgarisation, c'est que tu dois faire des choix didactiques, tu dois faire des choix narratifs. Et le but, c'est de pas perdre ton lecteur à la fin et de faire en sorte qu'il ait compris quelque chose de plus qu'avant qu'il ait commencé à lire, il ou elle. Et c'est voilà. Du coup, j'ai fait des choix qui sont pas des choix parfaits parce qu'il y a pas de choix parfait, mais qui sont des choix qui sont assumés. Voilà. Non, mais c'est ce que je trouve génial, c'est que tu touches du doigt d'une certaine manière immédiatement les questions qu'on peut se poser quand on lit un chapitre comme ça. Mm-hmm. Je trouve que c'était fascinant de tout de suite poser la question de on a réduit la taille, l'humain voit flou, et immédiatement, ça nous propulse sur une question où on a tous envie d'en savoir plus. Donc, j'imagine que ces conversations que tu as dû avoir avec le Hook, ça devait être fascinant. Là, je sais, typiquement, moi, il y a un exemple fascinant qui me pose toujours question et que j'ai vu d'un nouvel œil en ayant lu ce chapitre. C'est le fait que les yeux ont évolué plusieurs fois au cours de l'évolution. Les yeux trilobites, c'est les yeux à facettes. C'est une solution qu'on a trouvée chez les arthropodes. On a les yeux, comme nous, on dit les yeux caméra ou camérulaires, qui ont aussi évolué de manière indépendante chez les poulpes. Et j'en avais parlé d'ailleurs sur un épisode de Podcast Science. Il y a aussi même des organismes unicellulaires qui ont des structures apparentées à des yeux. Et tout de suite, on se pose la question, comment ils voient ? Bon, moi, je pense que tout simplement, ils voient parce qu'ils sont capables de percevoir les ondes Carassou, et voilà. Elles sont partout. Non, mais même, moi, ce que j'ai vachement... En fait, j'ai beaucoup aimé ce passage aussi, vraiment parce que, tu vois, en biologie de l'évolution, comment on adapte les choses à différentes échelles, c'est une question qu'on se pose. Comment tu fais ? Est-ce que tu réduis les cellules ? Est-ce que tu réduis, tu vois, l'organisation ? Et du coup, c'est pas si simple, en fait, tu vois, de répondre à ça. Donc, la solution que tu as choisie, elle est... Enfin, c'est chouette, ça. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elle est scientifiquement validée, cette... Voilà, exactement. Parfait, c'est tout ce que je voulais entendre. Écoute, je ne posterai pas ma lettre que j'avais écrite à ton éditeur. Tu as répondu à mon commentaire principal. Je vais valider la publication. Merci, Reviewer 2. Minor. Attends, nous, on est Reviewer 3 et on va parler maintenant de biologie. Et enchaînons du coup sur la partie biologie où il y avait d'autres questions. Et donc la biologie n'est pas ta discipline d'expertise. Mm-hmm. Et donc, quelle spécificité dans la biologie t'a posé problème et est-ce que t'as trouvé des liens surprenants avec la physique qui t'a permis d'être accroché ou est-ce qu'au contraire tu t'es plongé dans le bain en disant adieu la vie? En fait, la biologie, j'y suis vraiment allé de manière scolaire, c'est-à-dire que j'ai pris des cours de biologie à plein d'échelles. En fait, voilà, ce qui a permis d'écrire ce bouquin et d'avoir une certaine légitimité à l'écrire aussi, parce que c'est aussi ça. Enfin, c'est pas juste du syndrome de l'imposteur quand t'es un vrai imposteur, donc il faut aussi que tu te légitimes à un moment. Donc j'ai pris des cours sur un super service qui s'appelle The Great Courses, qui maintenant s'appelle Wondrium. Où l'idée, c'est d'avoir des cours de 30 à 40 heures sur un sujet qui sont donnés par des gens dans le monde académique qui soient à la fois réputés pour leur contribution académique mais aussi pour leur contribution didactique. Enfin, c'est aussi des profs dans la vraie vie. Et du coup, ça donne des cours qui sont ultra clairs et ultra complets sur tous les sujets. Et j'ai passé 3 ans à suivre tous les cours que je pouvais sur l'histoire naturelle, sur la biologie d'évolution, sur plein de trucs. Et c'est aussi ça qui m'a donné un petit peu des clés pour pouvoir choisir les différents sujets que je voulais aborder dans cet ouvrage. Parce que c'est aussi ces sujets-là qui m'ont le plus happé quand j'en ai entendu parler. Ce qui a été super dur, c'est de trouver des phrases qui soient valides de manière universelle dans le monde de la biologie. Parce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu veux dire quelque chose qui soit au présent de vérité générale, t'as toujours une exception à la con qui vient arriver et qui vient complètement débunker ce que t'avais envie de dire. À la base, j'avais envie de dire, je cherchais les grands universaux de la biologie, qu'est-ce qui est partagé dans l'ensemble du vivant, et j'étais tombé sur le code génétique. Voilà. Est-ce que le code génétique, il est universel, et ben en fait il est quasi universel parce que t'as des putains de microbes qui font pas comme tout le monde et qui ont un autre code génétique et ça saoule, c'est frustrant. Enfin, moi ça m'a beaucoup frustré à un moment. Bienvenue chez nous. Voilà. Dans la physique, tout est simple, tout est universel, tout est une vache sphérique dans le vide. Tu sais que notre réponse favorite, c'est ça dépend. Exactement. Du coup, ça, c'était la grosse difficulté, c'était de trouver des affirmations qui soient suffisamment où je pouvais trouver plein de sources qui corroboraient ce que je disais, mais voilà, qui soient pas remises en question par une publication inopportune. Donc ça, c'était dur. Et puis il y avait aussi, vous avez quand même énormément de jargon et de noms. de noms de structures biologiques. Enfin voilà, j'ai essayé la biologie moléculaire. C'est dur. Voilà, tout simplement. On en revient sur les aspects biologiques, puisqu'il y a plusieurs questions dans le livre qui traitent de biologie. Est-ce qu'il y a un aspect en biologie qui t'a véritablement surpris lors de la rédaction de ce livre ? Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus surpris, qui te vient à l'esprit Il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est à quel point on ne connaît rien sur la biodiversité microbienne. Ça, c'est dû à un truc qu'on appelle le problème du comptage en microbiologie. C'est pour compter des bactéries ou des microbes, on va envoyer des petits biologistes avec des petits bocaux dans les environnements pour récolter des bactéries dans des endroits crades. On les ramène en laboratoire, on met ces échantillons dans une boîte de pétri. On fait multiplier ces échantillons, enfin toutes ces bactéries et tous ces microbes, et ensuite on les met dans des grosses machines de séquençage de génome et on regarde, on essaie de comparer les différents, la diversité génétique pour voir d'où viennent ces microbes, c'est quoi leur réseau, c'est quoi leur histoire, et en fait entre le moment où on prend ces bactéries de leur environnement et le moment où on séquence leur génome, on a perdu 99% des échantillons initiaux. C'est quand même dingue. Et en fait, moi, il y a une idée que j'ai trouvée absolument folle qui a été proposée par la philosophe Carole Cleland et la biochimiste Shelley Copley. C'est l'idée des biosphères de l'ombre. C'est l'idée qui pourrait exister. Enfin, aujourd'hui, on pense que l'intégralité du vivant qui existe sur la planète en 2021 est issue d'un même ancêtre commun qu'on appelle Luca, qui est peut-être une bactérie, une espèce de bactérie, enfin une espèce de microbe, pas dire bactérie parce que c'était pas des bactéries, donc une espèce de microbe ou des collections de microbes qui s'échangeaient des gènes, on sait pas trop exactement. Mais en tout cas, on vient de ces microbes-là qui existaient il y a plus de 3 milliards d'années. Ça c'est ce que pense la quasi-intégralité des biologistes aujourd'hui. Et puis, Cleland et Copley se sont demandé, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce qu'il serait possible, par exemple, qu'il y ait des microbes qui se soient développés en parallèle à la lignée de Lucas et qui n'aient pas été mangés ou éliminés par les descendants de Lucas ? Genre, ils seraient développés dans un environnement complètement fermé. Lucas, je ne sais pas si on a expliqué, c'est le Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire le dernier ancêtre commun de tous les descendants vivants et qu'on malheureusement que beaucoup confondent avec le premier ancêtre vivant, et c'est pas le cas du tout. C'est un des descendants, lui, des premières formes de vie. Et donc, comme tu expliquais, il pourrait y avoir des formes de vie qui ne sont pas Lucas. En gros, c'est la forme de vie qui a réussi à dont les descendants ont réussi à éliminer tous les autres. Les descendants sont le grand génocidaire dont on connaît les descendants actuels. Oui. Et pour l'instant, à chaque fois qu'on trouve un descendant actuel, on n'a pas trouvé d'indication qui ne soit pas le descendant de Lucas. Ouais, c'est-à-dire qu'on a tous des gènes en commun. Quoi. Par exemple, il y a quelques gènes en commun ou certaines protéines qui codent pour des, voilà. Enfin, des protéines notamment qui le ribosome, sont, ouais. Voilà, une espèce d'usine moléculaire là, qui est partagée dans l'ensemble des cellules qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais imaginons qu'il existe cette biosphère de l'ombre, ces microbes qui ne sont pas comme les autres et qui décident de bouffer des trucs très spécifiques ou qui ont une chimie interne tellement différente que dans nos machines de séquenchage de génome, on n'a pas de quoi les détecter. Et ben même s'ils sont dans cette boîte de pétri, ces trucs-là, on ne pourra pas les voir. Et je trouve cette idée absolument renversante. Il y a une espèce de matière noire de la biologie. Alors, est-ce qu'on ne pourra pas les voir ou est-ce qu'on ne pourra pas comprendre qu'on les voit ? Mais les voir, ça ne sert à rien parce que tous les microbes se ressemblent. Enfin, ouais, la diversité morphologique des microbes, elle est relativement réduite par rapport à la diversité génétique des microbes. On pourrait les voir, mais on ne pourrait pas reconnaître qu'ils ont une chimie interne radicalement différente de la nôtre. Mmh. En tout cas, on n'a pas les outils à l'heure actuelle. En tout cas, c'est ce que dit Cleland et Copley, qui ont écrit ça en 2005. Donc, je ne sais pas vraiment l'évolution de la microbiologie depuis. Peut-être qu'ils ont pris en compte ces remarques-là depuis. Mais à l'époque où elles écrivaient ça, on n'avait pas forcément les outils pour pouvoir détecter ces trucs-là. Et je trouve ça formidable qu'on ait peut-être, je sais pas moi, une deuxième origine de la vie ou des trucs qui soient radicalement différents, mais qui sont sous nos yeux, quoi, qu'on ne pourrait pas voir juste parce qu'on n'a pas les bons outils et qu'on regarde pas au bon endroit. Et est-ce qu'il y a un LUVA, un Last Unique Virus Ancestor, est-ce qu'il y a aussi pour les virus, on peut faire la même chose? En fait, il n'y a pas de ribosome dans les virus. Bah, c'est un peu la question que tu voulais poser, en fait. Excuse-moi, Alexa, pardon, vas-y, je t'en prie. Je hijack la biologie. Alors, ouais, bah, du coup, on peut jumper là-dessus. Ouais. C'est très bien. Alors moi, c'est marrant parce que dans ta façon de parler de l'origine de la vie, du rôle des virus et tout ça... ça m'a vachement fait penser à une vision astrobiologiste plus que biologiste. Du coup, je me suis demandé si tu avais parlé plus à des astrobiologistes qui sont souvent, d'ailleurs, contrairement à ce que leur nom indique, pas des biologistes et qui, du coup, tu vois, où il y a une façon d'approcher cette question qui, pour moi, est souvent différente parce que souvent, je trouve que chez nous, en biologie, maintenant, on dit, et j'en ai parlé avec Pierre avant qui disait d'ailleurs ça aussi, tu m'interromps, Pierre, si je dis des bêtises, mais on disait, ouais, c'est plus tellement un débat, en fait, la contribution des virus aux vivants, on sait qu'elle a été énorme et le fait qu'on ne sache pas qui était là en premier, est-ce que c'était des virus avec de l'ARN, est-ce que c'était de l'ADN, c'est des choses qui font hyper débat, j'ai l'impression, très très fort en communauté astrobio, alors qu'en biologie, on dit bon ben, on ne saura pas. Non, mais c'est clair, on botte en touche, coup, on est là. Je me demandais si tu avais plus parlé à des astrobiologistes ou des biologistes. Alors oui, j'ai clairement plus parlé à des exobiologistes. Enfin, en France, on dit plutôt exobiologiste qu'astrobiologiste, même si c'est l'usage qui fait loi. Hein. Il y a aussi des gens qui disent astrobiologiste. Mais moi, j'ai suivi notamment un truc qui s'appelle le RED. C'est les rencontres exobiologiques pour doctorants que j'ai suivi après mon doctorat. Donc j'étais là en tant que pur imposteur qui écrivait un bouquin. Et bizarrement, ils m'ont laissé entrer. Et donc, c'était une semaine de cours sur les grands enjeux de l'exobiologie contemporaine. Et il se trouve, alors je ne raconte pas ça de manière gratuite, je raconte ça parce qu'ils ont publié l'intégralité de leurs ressources pédagogiques sur un site qui s'appelle astrobiovideo.com, où ils mettent tous les cours qu'ils donnent depuis plusieurs années. Et c'est des cours qui sont des vrais cours qui donnent les vrais questionnements contemporains de plein de domaines très différents, parce que l'exobiologie, c'est très interdisciplinaire. Ça fait intervenir des géologues, des astronomes, des biologistes qui se parlent entre eux, parfois qui se gueulent entre eux. Et je trouve, enfin moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre tous ces enjeux-là de manière la plus complète possible. Mais effectivement, oui, t'as des points aveugles disciplinaires qui sont forcément là. Mais voilà, il y a quand même des congrès d'exobiologie avec des biologistes à l'intérieur. Hein, ils ont quand même leur mot à dire. Alors, on fait du forcing de plus en plus, mais c'est bizarre parce que, enfin, moi je trouve qu'on a du mal à rentrer quand même. On a du mal à, tu vois, quand on propose des symposiums sur des questions liées à l'évolution. Bah, du coup, je peux passer là-dessus aussi. Tu vois, quand t'as parlé de vie artificielle, des expériences de vie artificielle, de Zélégance, je connaissais pas celle-là d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était passionnant. Donc, pour résumer, Zélégance, c'est un tout petit ver dont on connaît très très bien le développement Et donc, toi, tu as parlé d'une expérience qui a été faite d'essayer de coder, en fait, de développement de Cellégance pour faire des expériences informatiques, du coup, j'imagine, de d'évolution de Cellégance. L'idée, c'est de développer une architecture logicielle qui permette de créer un être vivant in silico, quoi, avec une résolution cellulaire. Genre, on connaît toutes les cellules de ce truc, on sait exactement la lignée de chaque cellule, on sait exactement le nombre de cellules. Donc, voilà, l'idée, c'est à partir de là, il n'y a rien qui nous empêche de simuler ce truc-là. Et si on simule ce truc-là, est-ce que ce truc-là sera vivant ou pas? C'est la question qui se pose. C'est super intéressant. Et du coup, effectivement, ça s'est fait partie une des expériences. Mais tu vois, nous, quand on est là, vendredi, je discute avec des gens de la NASA parce qu'on essaye d'envoyer donc, des souris et des animaux dans l'espace. Il y en a plein dans la station internationale pour essayer de voir comment ces animaux vont se développer en microgravité. Du coup, on considère, tu vois, que c'est un peu de la... On va faire niquer de des souris en espace. Mais tu vois, de l'évolution un peu dirigée, puisque tu fais se développer des animaux terrestres adaptés à la gravité, là-haut, justement. Et ça, pour l'instant, c'est hyper divisé à la NASA. Hein. T'as les space biologistes et les astrobiologistes, et c'est dur de se recouvrir, quoi. On a du mal, alors que finalement, les questions, tu vois, qu'on pose, qui sont des questions que t'abordes beaucoup dans ton livre, et que je trouve qu'ils sont très, très chouettes, qui est comment on se développe ailleurs, en fait. La vie... Est-ce qu'elle sera, est-ce qu'elle est différente d'ailleurs, est-ce qu'elle sera la même, est-ce qu'on pourra la reconnaître, etc. Et bah oui, bah j'espère que toutes ces communautés se parleront plus. Enfin, c'est aussi pour ça que j'écris ce bouquin. Hein. J'ai été un peu, personnellement, dans ma vie de chercheur, j'ai été un peu frustré de faire face à toujours les mêmes communautés avec toujours les mêmes questions. Dans les séminaires de mon labo, c'était toujours à peu près la même chose et j'ai fini par arrêter d'y aller tellement ça. Ils devaient être passionnants dans leur domaine, hein, mais moi, j'arrivais pas à rentrer dans ces débats-là parce que j'avais l'impression de voir 10 000 versions de la même chose. Et en fait, les seuls séminaires auxquels j'étais vraiment ravi d'assister, c'était ce qu'ils appelaient les séminaires d'ouverture, où tu avais des chercheurs qui venaient d'autres domaines et qui venaient parler de morphogénèse, qui venaient parler de thermodynamique du vivant, qui venaient parler de plein de choses. Et c'est ça, moi, qui me passionnait et qui me faisait faire des liens avec plein de trucs. Et voilà. Donc, c'était pas très utile pour ma recherche, mais en termes de vision du monde plus global et de questionnement de grandes questions, moi c'est ça qui me plaisait le plus, quoi. En parlant de grandes questions et de sujets divers, est-ce qu'il y a de la géologie dans le cosmos et nous? Il y a un petit poil de géologie, c'est pas le truc central, notamment parce que j'ai pas énormément de compétences en géologie, même si il y a plein de choses à dire sur la géologie qui sont cool. Je parle des premières traces du vivant qui sont ce qu'on appelle des stromatolites, enfin les premières traces directes du vivant, les plus anciennes, quoi, qui sont de la géologie. Hein, on peut pas dire que c'est pas de la géologie, c'est littéralement ça a été fait par du vivant, c'est des espèces de tapis microbiens qui captaient le sable et la vase alentour. Et c'est des tapis d'algues photosynthétiques un peu gluants et qui se formaient les uns au-dessus des autres. Et au final, ça a fait des structures en sable et en vase qui se sont tassées au fil des générations et des générations. Ça a fini par faire des espèces de grands monuments de plusieurs mètres, voire même une dizaine de mètres de haut. Je crois que les plus grands, ils font une dizaine de mètres de haut. Et ça, c'est vraiment des traces... des traces fossiles qu'on associe au vivant, même s'il y a certains processus géologiques qui peuvent mimer ce genre de structure. Mais voilà, je parle de géologie, je parle aussi de zircons, qui sont les plus anciens minéraux sur Terre. C'est l'espèce de minéraux les plus badass de l'histoire. C'est des trucs qui peuvent rester, qui se forment dans le manteau terrestre, je crois. Et c'est des cristaux qui sont quasiment indestructibles, donc ils sont à peu près inaltérés depuis 4 milliards d'années. Donc les plus vieux qu'on connaisse, ils ont 4,4 milliards d'années. 4,2, je ne sais plus. Et en fait, ces zircons-là, ils ont des traces d'oxydation qui, dans leur structure, nous permet de dire qu'il y avait des océans sur Terre il y a 4,2 milliards d'années. Et c'est quand même fou de se dire que dans ce petit cristal-là, il y a une information sur l'eau sur Terre. Il y a plusieurs éons de ça. Enfin, Voilà, rien que ça, ça me mind blown. Et ça justifie qu'il y a la géologie dans... Et ça justifie la géologie, mais c'est pas le truc central. Je me suis plus intéressé à ce qu'on appelle les sciences du système Terre. Ça a été mon obsession pendant quelques années, notamment via Humboldt, hein, qui est un espèce de prémisse, de voilà, un pionnier des sciences du système Terre aujourd'hui, enfin qui est considéré par plein d'historiens comme tel. Mais ouais, de comment est-ce que les différentes sphères, la biosphère, la géosphère, la cryosphère, l'hydrosphère interagissent entre elles, et comment est-ce que la vie a eu une influence fondamentale sur l'évolution de la Terre, notamment. Ça, ça me fascine. Tiens, en parlant d'évolution, je crois qu'il y avait Alexa qui avait encore d'autres questions vis-à-vis de la biologie. Je peux passer vite fait. Hein. Ensuite, mais ça tombe bien parce que la question géologie, je l'avais après. T'as répondu, c'est nickel. C'était juste par rapport à un choix que t'avais fait, mais t'as déjà parlé sur le fait qu'il faut faire des choix et que c'est exactement ce que je me suis dit en me posant la question. T'as beaucoup parlé de Darwin et ensuite t'as parlé de phylogénie. T'as moins parlé d'autres aspects, tu vois, genre l'écologie et les veaux, par exemple, tu vois. Est-ce que c'était un choix parce que c'était trop complet et tu voulais juste focaliser sur la phylogénie, ou juste parce que tu avais moins parlé avec des gens qui étaient plus veaux? Alors les deux, mon capitaine. Déjà, j'ai très peu lu de littérature sur la théorie synthétique, synthèse néo-darwinienne. J'ai un petit peu plus lu des trucs de Kimura là sur les théories neutralistes de l'évolution, qui sont l'évolution serait plus due au hasard des mutations et ce serait responsable de la majorité de la diversité des espèces. Enfin, c'est des débats qui sont toujours là, je crois, aujourd'hui, qui sont contemporains, si je me trompe pas. Mm-hmm. Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est pardon. Donc voilà, et du coup voilà, j'ai pas jugé pertinent d'en parler, surtout que je me suis demandé en fait à chaque fin de chapitre, je me suis demandé c'est quoi l'idée principale que je voudrais que les gens retiennent. Et l'idée principale du chapitre sur la vie, c'était qu'on est tous issus d'une grande famille, qu'on est tous reliés par des marqueurs génétiques, des marqueurs moléculaires, et que voilà, maintenant il faut changer notre vision du monde en conséquence, parce qu'on a quand même passé pas mal de siècles à considérer que l'humain est au-dessus de la nature et c'est une vision qui est complètement dépassée aujourd'hui, mais qui est dépassée depuis Darwin certes, mais le fait qu'on trouve cette espèce d'unité au vivant, cette unité génétique, ça date des années 90, quoi. Enfin, je veux dire, le premier arbre du vivant universel, il date de 1990. Mmh. C'est super récent. Enfin, j'avais moins 2 ans. C'est fou quand on. Enfin, la vitesse à laquelle ça va maintenant, tout ce qu'on trouve sur l'évolution, c'est. Et ouais. C'est dingue. Et aujourd'hui, on se demande même à quel point l'arbre du vivant est une notion pertinente, parce qu'il y a plein de transferts génétiques entre espèces très très différentes qui sont instantanées à l'échelle de l'évolution. Et du coup, il y a un gros débat là-dessus. Du coup, est-ce que l'arbre du vivant, c'est plutôt une toile, c'est plutôt une maille, c'est plutôt un arbre aux branches entremêlées, ou une espèce de cycle? On n'en sait rien. Mais plus on en sait des choses sur la diversité du vivant, plus on voit une unité fondamentale qui se distingue et des liens qui sont très très intriqués. Et pour moi, c'était une espèce de message écologiste au sens de l'écologie politique, hein. Pas que je traite de l'écologie scientifique, mais que ces interdépendances entre les espèces, elles sont importantes. Et ce serait bien de pas trop foutre en l'air alors qu'on commence à peine à comprendre comment ça fonctionne, quoi. Mmh. Voilà. C'est clair, ouais. Est-ce qu'on passerait pas maintenant à ta partie, Joël? Il y a belle transition. Enfin. Attention, parce que c'est vraiment très très calculé. Vraiment, il y avait beaucoup de choix de mots et j'ai opté pour le simple. Et je voulais commencer par une autre petit extrait audio. Et tu me diras si tu reconnais. C'est pas sorcier, c'est ça? C'est exactement Jamy. Alors, faites gaffe dans la chatroom parce que ça commence assez fort. Et faites gaffe aussi, d'ailleurs, tout le monde là. Et on fera attention au montage de pas trop qu'elle explose les oreilles de nos auditeurs. Mais pour vous, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Toc. « Il hoche la tête. Il a compris. Est-ce que vous sentez l'oppressant silence de l'espace interstellaire? Parce que donc moi, il y a encore 10 minutes après de... Et toi, tu... donc est-ce que, enfin, j'imagine que tu as reconnu, tu le cites explicitement en fait ce passage dans ton livre, ouais. Ouais, c'est un peu ma voilà, c'est l'une de mes scènes de films préférées. C'est l'introduction du film Contact de Robert Zemeckis, inspiré du roman de Carl Sagan du même nom. Et voilà, où l'on suit une espèce de d'onde radio qui part de la Terre et qui s'éloigne de plus en plus. Et puis on voit la Terre dans son contexte cosmique. On voit le système solaire, la Voie lactée, on voit le groupe local, on voit des nuages de plus en plus éloignés, on voit des galaxies de plus en plus éloignées. Et voilà, donc nous notre petite bulle d'onde radio, elle n'a qu'une centaine d'années. Donc on peut aller jusqu'à 100 années-lumière en son. Et à partir de là, c'est le silence. Et c'est le silence éternel de ces espaces infinis. Et donc voilà. Et c'est une scène que moi j'adore, qui nous replace vraiment. Enfin, c'est l'introduction du film, quoi. C'est la première scène que tu vois dans le film. Mmh. Et t'es ramené à ta condition d'être humain. Enfin, genre, qui fait ça? Et effectivement, donc non seulement il y a ça, et puis il y a aussi le côté qui est très présent aussi d'ailleurs dans le film, et aussi dans ton livre, qui est le. Quels sont les signaux que l'on pourrait, qu'une civilisation extraterrestre capterait de nous s'ils essayaient. Donc c'est vrai que t'en parles un tout petit peu à la fin de... Ouais, j'ai essayé d'éviter quand même les sujets de SETI, qui sont un peu, pour moi, des sujets que je trouve un peu de tarte à la crème. On le retrouve dans plein de bouquins de vulgarisation sur le sujet, et c'est tout le temps abordé de la même manière. Et en fait, j'aurais envie un jour de traiter ce genre de sujet, mais avec une approche radicalement différente, plus axée aux sciences humaines, parce qu'il se trouve que la plupart des gens qui sont au SETI n'ont pas du tout de background en sciences humaines, et je trouve que c'est un peu problématique. Et c'est problématique dans les présupposés de certaines questions et certains modèles. On pourra en parler si tu veux après, mais voilà. Non, mais j'ai noté que ça m'a extrêmement surpris. Pour te dire, j'étais dans le PDF et j'ai fait un contrôle F pour chercher Fermi. Tu as écrit 50 pages d'exobiologie, enfin, de qu'est-ce qu'on peut dire des extraterrestres sans citer le paradoxe de Fermi, qui effectivement est... tarte à la crème, effectivement, de ce genre de vulgarisation, mais donc c'est une façon différente, il n'y a pas de doute. J'aime pas le paradoxe de Fermi. J'aime pas le paradoxe de Fermi pour une raison simple, c'est que pour que ce soit vraiment un paradoxe, alors déjà, c'est pas un paradoxe au sens philosophique du terme, il n'y a pas de contradiction logique. Et les présupposés de ce fameux paradoxe, ils sont assez... Peut-être très, très rapidement. Oui, c'est ça. Ce que c'est, oui. Alors, c'est dans les années 40 ou 50, Enrico Fermi, qui bosse à Los Alamos dans le projet Manhattan, il se pose à la cantine et il parle avec certains de ses collègues. Il se demande, mais l'univers est quand même vachement vieux. Il y a eu plein d'étoiles qui se sont formées depuis 14 milliards d'années. Enfin, à l'époque, je pense qu'on pensait que c'était plutôt 15 ou ce genre de truc. Donc voilà, l'univers est vieux. Il y a eu plein d'étoiles, probablement plein de planètes, probablement plein de civilisations. Et le voyage interstellaire, c'est pas si difficile que ça, en fait, parce que voilà, on a de bonnes raisons de croire que voilà, on arrive à faire du voyage interplanétaire. Enfin, on arrivera bientôt, parce que c'est dans les années 40-50, on n'a pas encore fait ça. Mais il y a quand même des gens qui théorisent, il y a de la science-fiction qui se développe. Et l'idée, c'est si c'est facile de coloniser, alors je mets des gros guillemets à coloniser parce que j'aime pas du tout ce mot non plus, et ça fait partie des problèmes que j'ai avec le vocabulaire autour du SETI. Donc si c'est possible de coloniser d'autres planètes et d'autres systèmes stellaires, enfin d'autres systèmes planétaires, pourquoi est-ce que l'intégralité de la galaxie serait pas habitée par des civilisations intelligentes, encore une fois gros guillemets, on les entend pas à la radio, et s'ils sont là, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler jusqu'à présent? Parce qu'on est dans les années 40 et on vient de développer les technologies d'ondes radio. On commence à transformer des antennes radio pour les transformer en radiotélescopes et capter les ondes radio du cosmos. Donc on se dit que si nous on fait ça, bah, tout le monde devrait faire la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces carabistouilles? Et donc voilà. Et donc, en fait, il faut accepter plein de présupposés pour souscrire à la question de Fermi. Et même si on souscrit à ces présupposés, il y a genre plus de 50 réponses qu'on peut donner qui sont très différentes et qui sont tout aussi valides parce qu'on a zéro information. Et donc c'est plein de possibilités logiques. Alors il y en a qui vont vous dire qu'il y a une espèce de grand filtre qui limite la complexité d'une civilisation et qui l'empêche de se développer de manière interstellaire. T'en as d'autres qui vont te dire... de manière assez pragmatique, je trouve, que le voyage interstellaire, ça demande trop de ressources par rapport à ce que ça devrait. Et du coup, la plupart des civilisations qui ont la possibilité de faire ça ne le font pas parce que il n'y a pas d'incentive politique pour faire ça. Enfin, dire pourquoi est-ce qu'on s'expandrait à travers la galaxie, ça paraît... Enfin, je veux dire, toutes les civilisations de l'histoire n'ont pas été expansionnistes à la manière des Européens. Where no man have ever been before. Alors oui, mais là c'est de l'exploration, c'est pas de l'installation, tu vois. Et puis dans Star Trek, t'as la Prime Directive. Alors bon, certes, ils veulent monter leur empire galactique et donc ils doivent interagir avec les gens sur place. Mais tu pourrais te dire que c'est très dangereux d'interagir avec une espèce dont t'as zéro proximité génétique et qui pourrait te tuer au simple contact. Enfin, depuis H.G. Wells et la Guerre des Mondes, on le sait, ça. C'est comme ça qu'ils meurent les tripodes. C'est à cause des putains de microbes sur la planète auxquels ils avaient zéro immunité. Et du coup, voilà, il y a plein de présupposés qui m'agacent un petit peu quand on parle de cette question de Fermi. Mais voilà, il y a plein d'auteurs qui ont travaillé cette question en long, en large, en travers, et je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que le paradoxe, guillemets, de Fermi peut proposer aujourd'hui. Voilà. D'accord, bah effectivement, c'était surprenant, mais du coup, rafraîchissant, je valide ce choix. Mais c'est un avis. Je valide totalement. Well, my opinion, dude. C'était très agréable à lire, de voir un truc un peu différent comme ça. Et du coup, moi, mes questions de physique que je voulais poser, c'était un peu... tu te dis que tu as longtemps parlé avec Lé de Science for All, et comme il est en bon bayésien, il dit qu'il faut toujours mettre une probabilité partout, yes, même sur les affirmations, où nous n'avons absolument aucune idée. Mais suis-je un bon bayésien? Voilà. Et du coup, on m'a dit que tu avais fait ta thèse avec du bayésien. Absolument. voilà. Et du coup, est-ce que j'ai un peu pris les dernières remarques que tu as prises dans ton dernier chapitre, ouais, et je voulais avoir un peu ton avis personnel là-dessus, donc, au doigt mouillé. Il y a sur Terre, du coup, des formes de vie extraterrestres déjà sur Terre. Donc, tu parles, attention, tu ne parles pas de petits hommes gris, tu parles de bactéries. Des fameuses biosphères de l'ombre. Là, c'est ça, biosphères de l'ombre, ouais, dont on a déjà parlé à l'instant, ce qui est parfait. Du coup, on ne va pas avoir besoin d'expliquer maintenant. Donc, quelle est la probabilité, selon toi, que ces formes de vie existent? Élevées, faibles? Ah! Eh ben, je t'avoue que j'en ai aucune idée. 1% près, vas-y. Non, mais j'aimerais bien être optimiste là-dessus, en fait, parce que c'est une question que je trouve fascinante, et du coup, on n'a pas encore dédié suffisamment de ressources pour y répondre. Donc, de manière purement pragmatique, j'ai envie de répondre une réponse optimiste, genre 60%, allez, voilà. Mais juste parce qu'on n'a pas suffisamment regardé. Les gens du SETI ont cet adage que j'aime beaucoup, c'est notamment Jill Tarter, là, qui bosse au SETI, qui dit que sur la recherche de la vie, bon, elle parle de la vie intelligente, mais on peut étendre la discussion à la vie dans l'univers. C'est genre, si vous allez dans l'océan avec un verre d'eau, et que vous prenez un peu de l'eau de l'océan dans le verre et que vous ne trouvez pas de poisson, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poisson dans l'océan. Ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment cherché ou que vous n'avez pas les bons outils. Enfin, on ne va pas chercher des poissons avec un putain de verre d'eau. Et donc voilà, ça, pour moi, on est vraiment trop tôt, on est trop primitif. Enfin, j'aime pas ce mot, mais voilà, on n'est pas assez avancé technologiquement pour pouvoir répondre de manière fiable aujourd'hui à ce genre de questions et même à se risquer à faire des paris bayésiens. Enfin, on peut toujours faire des paris bayésiens, mais on va perdre à la fin, quoi. Donc, je vois pas. En fait, on peut pas faire de statistiques avec un échantillon de 1. Enfin, c'est mathématiquement impossible. Tu peux construire des distributions de probabilité avec, voilà, tu peux te dire, ah, mon échantillon, il est là dans cette distribution. Mais qu'est-ce qui te pousse à dire que cette distribution, elle est la bonne? Parce qu'il te faut des nouvelles données pour pouvoir l'updater en bon bayésien. Mais en attendant, moi, mon a priori, il est complètement plat, on va dire. J'ai pas d'avis sur la question de la rareté ou de l'abondance de la vie dans l'univers. Et je trouve que c'est un avis qu'on entend peu, en fait, dans les sphères médiatiques autour de ça, parce qu'on a une espèce d'optimisme qui est culturellement acquis, qui nous vient normalement, enfin, qui nous vient notamment de la science-fiction, qui nous a habitués à l'idée qu'il y a des petits hommes verts partout, et voilà, et on vit dans Men in Black, et voilà. Enfin, même les gens qui croient pas qu'on a été visité par des intelligences extraterrestres ont cette espèce de truc de voilà, il y a les briques de la vie partout dans l'univers, ça on commence à le savoir, les briques moléculaires, les briques élémentaires. Mais est-ce que les conditions ont été réunies plein de fois sur plein de planètes dans l'infinité des laboratoires de chimie que constitue l'intégralité des environnements de l'univers? Est-ce qu'on a reproduit suffisamment ces conditions-là? Et puis, c'est quoi la gamme de conditions qui permettent à la vie d'éclore sur une planète, quoi? Et ça, on en a zéro idée aujourd'hui. Et voilà, pour moi, on peut pas encore répondre à ce genre de questions. Et c'est pour ça que j'essaie de pas me risquer à faire ce genre de pari. Et je suis désolé. Ah oh non, il est tout déçu. Bon, j'avais pas de questions. Il avait 28 paris à faire. C'était pour clore. Parce que là, je suis très déçu. Le Malaisien, moi, pleure. Voilà, voilà. Non, mais je suis là pour plomber l'ambiance ce soir. Non, mais tu as parfaitement répondu. N'empêche, quand même, t'as répondu globalement. T'as répondu comme un biologiste. Mais cependant, t'avais quand même réussi à poser la question sur laquelle tu mettais 60% pour la vie sur Terre. Ah, très bien. Mais t'as pas demandé la seconde, et ça j'aimerais bien quand même avoir la réponse sur celle-ci. Ah bah je peux le poser toutes, moi les non non, mais la deuxième elle paraît pas mal. Donc, y a-t-il eu de la vie sur Mars? Ah, une vie passée. Là, ça titille plus, tu là, vois, ça, bizarrement. Là ça me titille plus parce que pour une bonne raison, c'est qu'on commence à... Il se passe des trucs vraiment cool sur Mars en ce moment. Enfin, il se passe notamment deux rovers qui s'appellent Curiosity et Perseverance, qui ont dans leur cratère respectif, donc le cratère Gale pour Curiosity et le cratère J0 pour Perseverance, les premiers résultats de ces rovers nous montrent que dans ces endroits, il y a eu de l'eau dans le passé, il y a plusieurs milliards d'années. Alors dans le cas de Curiosity, dans le cas du cratère Gale, c'était une eau qui n'était pas acide, c'était une eau qui était comme l'eau qu'on trouve sur Terre, donc une eau tout à fait cool dans laquelle on pourrait se baigner. Il y avait des composés élémentaires qui sont essentiels au vivant, ce qu'on appelle des schnops, donc du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, du phosphore, du soufre. Et il y avait probablement des étendues stables d'eau liquide pendant plusieurs millions d'années, parce qu'il y a certaines formations géologiques qui ne se forment qu'en présence d'eau pendant très longtemps. Et en fait, du coup, ça, c'est toutes les conditions dont on a besoin pour former de la vie primitive, quoi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, rien que pour ça, j'ai envie d'être optimiste là-dessus. Et j'ai envie d'autant plus d'être optimiste parce que dans les années à venir, on va envoyer un rover qui s'appelle ExoMars, qui est un rover de l'Agence spatiale européenne, qui va avoir une espèce de forêt qui va plongé à 2 mètres du sol, je crois, sous le sol de Mars, donc sous la couche qui est altérée par les rayonnements UV du soleil qui détruisent toute molécule d'ADN présente sur son passage. Donc on aura accès à une zone de Mars à laquelle on n'a jamais eu accès jusqu'à présent. Et ici, il y avait des composés organiques à ce niveau-là, et ici, il y avait des stromatolites. Enfin voilà, ce serait génial. Pardon, je suis en train de mourir. c'est des bactéries du monde. Je me suis retenu d'éternuer, pardon. Donc j'ai envie d'être optimiste sur la vie passée sur Mars. Et j'ai même envie d'être optimiste sur la vie présente sur Mars, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore réussi à complètement à expliquer à la surface de Mars, hein, notamment dans les années 70, on a envoyé deux atterrisseurs qui s'appellent Viking 1 et 2, avec littéralement des expériences de biologie à l'intérieur pour voir s'il y avait de la vie à la surface. Donc ils étaient vraiment très optimistes sur la présence de vie. Alors ils ont été un peu déçus parce que le spectromètre qui était à son bord a détecté zéro trace de matière organique sur la surface de Mars. La matière organique donc essentielle à la vie, enfin associée à la vie. Et donc ça a rendu les exobiologistes beaucoup plus pessimistes, sauf une petite minorité qui a décidé qu'il y avait deux autres expériences, enfin, il y avait une autre expérience notamment qui s'appelle Labeled Release, dont le but était de prendre un petit échantillon de sol martien, de le foutre dans une cuve avec de l'eau, des nutriments, et dans les nutriments il y avait du carbone 14, donc du carbone radioactif. Et l'idée c'est on laisse ça reposer pendant suffisamment longtemps, et s'il y a des bactéries ou des trucs qui métabolisent le carbone, eh ben on devrait, dans la cuve, avoir, au fil du temps, une augmentation de la radioactivité de la cuve. Ce qu'on a observé, ce qui est très bizarre, et donc ça a été observé de manière indépendante par les deux atterrisseurs. Le problème, c'est qu'il y a zéro trace de matière organique. Donc comment est-ce qu'on fait face à ces deux résultats qui sont contradictoires? Et donc le consensus scientifique veut que bah, y a pas de vie sans matière organique, mais il y a une toute petite minorité de gens menés par le PI de l'instrument de Label Release, qui est décédé cette année, qui s'appelle Gilbert Levin. Il est resté sur ses positions depuis les années 70. Il est convaincu qu'on a trouvé de la vie sur Mars dans les années 70. Et le problème, c'est que à l'heure actuelle, on peut pas lui donner complètement tort, parce que il y a des controverses sur qu'est-ce qu'on trouvait exactement ces deux instruments. Et est-ce qu'il n'y a pas des composés superoxydants à la surface de Mars qui pourraient expliquer ce genre de résultats? Et c'est probablement le cas, mais on n'a pas encore on peut pas encore expliquer les données de ces instruments à l'heure actuelle. Et c'est aussi pour ça qu'on envoie des trucs comme ExoMars, avec des meilleurs instruments et avec un meilleur recul théorique pour savoir si Mars est habité ou pas aujourd'hui. Voilà, longue réponse encore, il faut m'arrêter. Et avec surtout aussi quand même un retour d'échantillon, c'est vrai qu'on avait interviewé cette pas année avec ExoMars, avec William Rapin, mm-hmm. Quand on posait ce genre de questions, on disait en fait, on est en train de se dire que s'il y a de la vie passée, on n'arrivera peut-être pas, ou voire même quasiment pas sûr, à la détecter sur place en fait. Il faudrait des instruments qu'on ne peut pas amener. Et du coup, là, ce qu'il y a depuis l'atterrissage en mars ou en février de cette année de Persévérance, il y a un énorme travail qui s'est lancé à la NASA avec plusieurs missions, avec l'objectif de ramener d'ici la fin de la décennie des échantillons martiens à analyser sur Terre. Ce qui est quand même ultra ambitieux et qui implique des technologies qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais ça va venir. et c'est une belle mission, vraiment. Ouais. Et du coup, je vais te laisser à la main si tu veux, Alexa, pour passer à la partie d'hiver. Encore une fois, voilà. La transition, on est vraiment très très fort dans ce podcast. On est au taquet. Qu'est-ce qu'on rame, podcast science after midnight. Il y avait la géologie dedans d'ailleurs au départ. Non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé dans ton livre la façon dont tu as parlé à plusieurs reprises des théories conflictuelles qui existaient à certaines époques, par exemple, ou toujours d'ailleurs, sur l'existence de la matière noire, ou alors sur l'âge du cosmos. On a bien vu que à toutes les époques finalement il y avait ces théories conflictuelles entre les scientifiques qui existaient. Est-ce que ça a été un point à mettre particulièrement en avant pour toi, et est-ce que tu penses que la façon de faire de la science a beaucoup changé de ce point de vue par rapport au passé? Alors pour la première question, je pense que c'est crucial de mettre en avant les controverses scientifiques, parce qu'on a tendance en vulgarisation à vouloir se concentrer essentiellement sur le consensus, et en fait on crée une espèce de vision idéalisée des sciences que j'aime pas trop, et qui met tout qui met à côté plein d'aspects fondamentaux des sciences voilà, qui sont des aspects épistémologiques, qui sont des aspects comment est-ce qu'on interprète des résultats, est-ce qu'on va privilégier la thèse d'un modèle qui est faux ou de systématique dans les résultats des instruments, enfin voilà, des erreurs de mesure, ce genre de truc. Et en fait, voilà, je suis convaincu qu'on ne met pas assez en avant le fait que les connaissances, elles sont tout le temps fluctuantes, et que la science est un processus qui est très dynamique, et que certes, on accumule des connaissances au fil du temps, mais il n'y a rien qui nous garantit que ces connaissances soient cumulatives au sens qu'elles soient commensurables. Thomas Kuhn, qui parlait dans son essai la structure des révolutions scientifiques, il disait que entre deux changements de paradigme, quand on a un modèle dominant et un qui est remplacé par un autre modèle dominant, et ben les deux modèles, ils sont pas forcément commensurables, ils sont pas forcément comparables les uns avec les autres, parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes objets d'études, ils n'ont pas les mêmes catégories pour segmenter la réalité. Et donc, il donne par exemple l'exemple de la masse qui, pour Newton, Newton il définit sa masse d'une certaine manière. Et ensuite, Einstein arrive avec sa théorie de la relativité restreinte et il définit la masse d'une manière complètement autre. Et cette masse, la masse relativiste, elle est pas conservée, contrairement à la masse newtonienne qui elle est conservée. Et du coup, c'est deux notions de masse qui sont radicalement différentes. Et pareil avec la notion d'espace. La notion d'espace pour Newton et la notion d'espace pour Einstein, elle est pas du tout la même. Alors surtout avec la théorie de la relativité restreinte, où l'espace devient un truc un peu dynamique, un peu qu'on peut étirer, qu'on peut comprimer. Et en fait, est-ce qu'on peut dire que la théorie de Newton, elle est moins bien ou elle est moins précise que la théorie d'Einstein, ou est-ce qu'on peut parler de complètement radicalement autre chose parce qu'on n'a pas les mêmes objets d'analyse? Et c'est une question qui est à la base de l'épistémologie, à la base de la philosophie des sciences. Est-ce qu'on s'approche de la réalité plus au fil du temps, ou est-ce qu'on switch entre différents modèles qui sont de plus en plus utiles selon le contexte culturel du moment? Et c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, car je n'ai pas un prix Nobel d'épistémologie à offrir aujourd'hui. Mais qui sont des questions qu'on devrait se poser, et on devrait s'éloigner des représentations idéalisées des sciences. Et voilà. Et en fait, c'est tout simplement, c'est plus proche de ce qui se fait dans les labos aujourd'hui. T'as un modèle dominant, par exemple, dans le cas de la matière noire, t'as un modèle dominant qui s'appelle le modèle standard de la cosmologie. Mais on l'appelle pas le modèle standard parce qu'il est dogmatique. On l'appelle le modèle standard parce qu'il résout plein de problèmes qu'on a à l'heure actuelle, mais il répond pas à tous les problèmes non plus. Et c'est pour ça, enfin, notamment cette fameuse matière noire qui représente 5 fois plus de matière et de masse et d'énergie que l'intégralité de ce qu'on observe avec nos télescopes. Et ça pose question parce que cette matière noire, on n'arrive pas à l'observer directement, mais elle a une influence gravitationnelle sur tout ce qui l'entoure. Et comment est-ce qu'on interprète ça? Est-ce qu'on change la théorie? Est-ce qu'on a mal compris la gravité? Ou est-ce qu'il existe vraiment un truc qu'on n'a pas encore vu, mais on n'a juste pas les outils pour le voir? Et pour moi, ce genre de question est assez fascinant. Et en fait, le fait d'en parler, ça évite des dérives qu'on entend souvent dans l'espace public qui veulent que la science, c'est quelque chose de dogmatique, que les scientifiques, ils ont leurs croyances et que si on arrive, enfin c'est souvent des ingénieurs à la retraite qui viennent avec leur théorie du tout et qui disent ah là là la doxa scientifique actuelle rejette absolument tout type de contradiction et moi avec ma théorie j'explique tout, j'ai pas de barre d'erreur mais j'explique tout et ils veulent pas m'écouter, ils font rien qu'à m'ignorer et en fait ça crée ce genre, enfin le fait de pas parler de ça dans la vulgarisation, parce que souvent ces gens-là, ils ont surtout lu de la vulgarisation. Et je me fais suffisamment envoyer des théories du tout par LinkedIn pour voir les motifs émerger. C'est souvent des trucs qui sont... Voilà, il n'y a pas d'échafaudage théorique très, très complexe. Voire, il y a des trucs qui sont... Voilà, c'est écrit en Comic Sans. Enfin, bon, là, on est sur la forme, mais sur le fond, c'est pas bien mieux. Et du coup, voilà. Donc, ça, pour moi, le fait de parler des controverses scientifiques et des trucs qui se passent à l'heure actuelle, les questionnements qui se posent par les scientifiques, ça évite cette posture un peu dogmatique du chercheur dans sa tour d'ivoire qui refuse toute contradiction. Et ça le replace dans une espèce d'humilité qui devrait être sa place. Voilà. Et du coup, si tu te représentes comme ça, ce remède à cette situation et au dogmatisme scientifique perçu par le grand public. Mettons que là, on fasse de la vulgarisation qui ressemble à celle que tu proposes. Tu penses que dans 30-40 ans, on n'aura plus de crackpot qui envoie sur LinkedIn 3.0 ? Non, je pense que ça suffit clairement pas et qu'il faut en fait... Alors, j'aimerais... En ce moment, il y a vraiment une question qui me fascine, c'est pourquoi est-ce que tous les gens qui ont des théories du tout ou des trucs un peu fringe, ce sont des ingénieurs à la retraite. L'intégralité, c'est, ou des médecins, mais c'est tout le temps le même profil. Il y a jamais de meufs, il y a jamais de gens pas vieux. C'est que des gens qui ont trop de temps libre et qui dédient ce temps libre là à être complètement coupé du reste du monde académique et de développer leur truc dans leur petite bulle. Et ensuite, ils te sortent 40 vidéos sur YouTube pour t'expliquer la vie. On a interviewé Alexandre Moati, ouais, sur le podcast il y a très longtemps, qui a littéralement écrit un bouquin sur ça. Ah, donc c'est Alterscience, c'est ça? Alterscience, ouais. Il a beaucoup écrit sur les vieux ingénieurs à la retraite, Moati. Et effectivement, il décrit que lui, il connaît très bien la communauté polytechnicienne, mm-hmm, et il dit qu'en fait, il y a tout un mouvement d'anti-science, ouais, qui sont en fait des gens qui disent, oui, c'est ça, qui sont très intelligents, mais il y a un moment, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, ils se sont braqués, mmh, et ils ont utilisé le reste de leur vie pour essayer de prouver qu'Einstein avait tort. Ouais. Mais je trouve ça fou. Enfin, la question Einstein avait tort, genre, ça donne une espèce de vision de, bah, des grands hommes de la science, quoi. Alors que Einstein, il était pas tout seul, quoi. C'est, je sais pas, il était entouré par toute une communauté, il était inscrit dans un contexte, il avait des questions qui étaient situées, et il savait qu'il avait pas toutes les réponses, et il disait pas, j'ai raison. Enfin, et en fait, c'est cette vision-là qui m'embête. Et je pense que ça fait partie du problème de mettre en avant ces grands hommes-là. Alors, évidemment, hein, Einstein, il était plutôt cool, hein, comme type. Bon, il a développé la bombe atomique, mais quand même, il s'en est excusé après, donc on lui pardonne. Mais voilà, ça donne une vision des sciences qui est biaisée. Et après, ça crée des gens avec un complexe de Galilée, là, qui vont se dire qu'ils sont... Voilà, puisqu'ils sont en opposition avec la majorité, ça veut dire qu'ils ont raison et ils vont se battre jusqu'à ce qu'on leur dise qu'ils ont raison. Et ils cherchent rien de plus en fait. C'est pas une quête de la vérité, c'est pas une quête de, c'est juste un ego trip. Et ça m'énerve les ego trips. mais ce que tu dis, c'est vrai que c'est, enfin moi ça me fait penser au Nobel aussi, tu vois. C'est, mmh, c'est vachement remis en question aujourd'hui parce que. Quand tu dis pourquoi tu glorifies une personne particulièrement, alors qu'en général, comme tu l'as bien très bien expliqué, tu as souvent une équipe derrière et un contexte. Mmh. Et du coup, cette glorification de la personne par les prix et ce genre de choses, c'est finalement assez anti-scientifique, quoi. Exactement. Et malheureusement, la plupart de ce que les gens voient dans les documentaires, moi, je regarde beaucoup, à un moment, je regardais beaucoup de documentaires américains sur la physique et tout ça, et t'as toujours le même traitement, quoi. C'est toujours Einstein a dit ceci, Einstein a dit cela. C'est jamais remis en question ou dans le contexte historique de l'époque. Et donc voilà, maintenant. Maintenant, on peut prouver qu'Einstein avait raison ou qu'Einstein avait tort, selon l'angle du documentaire. Et ça me saoule. Ça, voilà. J'ai envie qu'on ait de la meilleure vulgarisation. Il y a aussi quelque chose moi qui m'a interpellé dans le livre, qui je vais citer quelque chose que tu dis sur l'influence de notre contexte. Religieux, culturel, mmh, mmh, mmh, sur les théories qu'on cite. Donc, tu dis à un moment aussi, donc, je cite, en Occident, nous avons la fâcheuse tendance à vouloir systématiquement découper le réel en catégories binaires, hommes, femmes, nous, eux, nature, culture, etc. Mais la réalité est toujours plus complexe que les mots que nous employons pour la segmenter. À ce titre, la quête des frontières du vivant pourrait bien être aussi illusoire que celle d'une ligne de démarcation objective entre le bleu et le vert. Mmh. Et il y a un autre moment aussi, moi, que ça m'a frappé, en fait, où tu dis que, donc, les théories de l'un des découvreurs du Big Bang, le maître, qui était aussi un prêtre, un chanoine. Et en fait, elles sont remises à l'époque en question parce que donc, l'inventeur du Big Bang, du coup, les gens le disent, lui, c'est un religieux, il cherche une origine à l'univers, alors que tout le monde sait, c'est ce qu'on pensait à l'époque, tout le monde sait que l'univers est éternel. Ouais. Et du coup, tu dis que, oui, tu cites quelqu'un qui dit qu'il trouve cette idée répugnante. Ouais, philosophiquement répugnante. Philosophiquement répugnante. Arthur Eddington, son prof d'astronomie, qui lui dit ça. Et puis, tu cites même, du coup, tu dis que finalement, un univers cyclique, tu évoques l'idée à un moment, et finalement, peut-être pas forcément si idiote que ça pour des astronomes indiens. Donc, tu cites par exemple un texte antique indien, le Rig Veda. Et donc, je me posais cette question à quel point, j'ai trouvé ça très intéressant, et je me demandais à quel point en fait le contexte culturel, selon toi, influence les découvertes scientifiques. Et est-ce qu'on pense que, on parle beaucoup maintenant de. Que la science chinoise, par exemple, si d'un coup, et ça va sans doute arriver un jour, que la Chine mette autant d'argent dans ses découvertes scientifiques que les États-Unis le font actuellement, et dans ce cas-là, la science sera totalement drivée par les laboratoires chinois. Est-ce que tu penses que la science sera différente à ce moment-là, parce que c'est quand même un background culturel assez différent? Alors oui, clairement. je pense clairement qu'on n'aurait pas la même science si on avait plein de contextes culturels différents. Enfin, on n'a pas la même science parce que la science, c'est une activité humaine et donc c'est régi par des lois certes scientifiques, mais les lois scientifiques, elles sont pas écrites dans l'univers, quoi. Elles sont écrites, c'est des normes qui sont imposées par des gens, et il y a des idées qui sont imposées par des gens parfois qui ont pas mal de pouvoir dans les laboratoires, qui arrivent à imposer leur vision pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et parfois ces idées, elles restent pendant des siècles. Les idées, elles naissent pas de nulle part, en fait, elles émergent toujours dans un contexte, et dans le livre, je donne un exemple, c'est comment est-ce que les métaphores mécanistes du vivant, donc la vision mécaniste du vivant, c'est le fait de considérer le vivant comme des petites machines qui est en grande partie la manière dont on imagine le vivant, en tout cas au niveau microscopique aujourd'hui. On parle de machines moléculaires avec des rouages atomiques, ce genre de trucs. Et en fait, cette vision-là, elle émerge dans un contexte très particulier qui est l'Europe du XVIIe siècle, où il y a une espèce d'explosion des automates et des horloges. Des automates et des horloges qui sont ultra populaires à l'époque, et on en trouve dans les parcs princiers, on en trouve dans les églises, et notamment il y a ce monsieur là qui s'appelle René Descartes, qu'on aime bien ici, qui un jour se balade dans le enfin non, ici je parle en Occident, pas ici sur cette table, non, non, non. Il est là, René Descartes. Salut René. meilleure introduction de la soirée, je pense. Vas-y, je suis pas bon en transition, mais pour ça. Bref, et donc ce monsieur Descartes, il se balade dans un des jardins princiers du château neuf de Saint-Germain-en-Laye, voilà, qui est en ruine maintenant. Mais à l'époque, on peut y trouver plein d'automates. Et en fait, c'est à ce moment-là que Descartes, il se dit qu'on arrive à faire des automates tellement stylés et tellement réalistes qu'au final, les animaux, ça pourrait pas être autre chose que des automates, en fait. Et que si on les disséquait suffisamment finement, on trouverait des trucs qui seraient analogues au concept de l'époque, qui sont des machines hydrauliques, et donc il réfléchit en termes de tuyaux, en termes de soufflets, en termes de ressorts, et donc c'est ça, en fait le contexte culturel influe sur les métaphores, sur notre segmentation de la réalité et sur ce qu'on va essayer de mettre en avant dans nos recherches, en fait, et selon la culture dans laquelle on grandit, ça va pas complètement déterminer les résultats scientifiques, mais ça peut beaucoup les influencer quand même. Après, est-ce que on finit tous par converger sur une même vision du monde à la fin? Je suis pas du tout convaincu de ça. En maths, c'est peut-être moins controversé. On arrive, il y a plein de sociétés qui se connaissent pas du tout, qui sont arrivées à des mêmes résultats. Peut-être que les maths sont universelles. Moi, je reste agnostique un petit peu sur la question, notamment parce que je ne suis pas en maths, pas comme dans le reste des sciences. C'est ça. Mais c'est pas, je sais pas si les maths sont peuvent être considérés comme des sciences. D'ailleurs, je lisais le bouquin de Michael Launay, le grand roman des maths, récemment, et il parle beaucoup de ces questions-là, et il est vachement bien. Voilà, je recommande. Sébastien Carassou, le seul qui fait la promo d'autres livres lorsqu'il est interviewé pour le sien. Non, mais lisez pas le mien là, allez lire Sean Carroll, allez lire Carl Sagan. Allez lire le livre de Michael Launay, on vous remercie, et que servir la science soit votre joie. À la semaine prochaine. N'oubliez pas d'y réfléchir. du coup, je te laisse la parole, Alexa, pour parler un peu de la jeunesse du livre et de comment ça, tu es partie là-dedans. Oui, c'était avec Topo, on avait pas mal de questions moins scientifiques, du coup, plus sur comment t'as rédigé ton livre et tout ça. Donc, t'as déjà parlé des livres dont vous êtes le héros, qui était une des questions que j'avais, parce qu'effectivement, il y a vraiment ce côté-là. Donc, on va peut-être pas revenir dessus, sauf si t'as envie de développer plus cet aspect. Et oui, j'ai trouvé que tu abordais énormément de choses dans ton livre. Mmh. Enfin, c'est ce qu'on a vu là avec l'interview. T'as plein de sciences différentes, etc. Et pourtant, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ton livre, c'est que je l'ai trouvé super facile à lire et vraiment, j'ai eu du mal à le lâcher, quoi. Et sur, tu vois, les parties que je connaissais et tout, vraiment, tu vois, j'ai été happée par la lecture. Et je me suis demandé si c'était difficile de réussir à mêler toutes ces notions pour les rendre accessibles, finalement, y compris les notions dont tu n'étais pas spécialiste au départ. Ouais, surtout les notions dont je n'étais pas spécialiste. En fait, la grosse difficulté d'une entreprise comme ça, enfin, moi, j'y suis allé en mode complètement YOLO, hubris, complet, voilà, je vais rassembler toutes les sciences et je vais mettre l'univers complet dans un livre. Après, j'ai pris quelques claques et j'ai pas tout mis finalement. ce qui est super dur en fait, c'est d'avoir un livre qui parle de plein de choses, mais il faut que chaque notion soit introduite au bon moment. Et notamment, je parle d'ADN dans le chapitre sur la vie pour parler de phylogénie. Donc ouais, la grosse difficulté d'un livre comme ça, c'est qu'il faut que chaque notion soit bien placée au bon endroit pour que tu puisses, en lisant les chapitres dans l'ordre, construire quelque chose par-dessus chaque chapitre. Enfin, à chaque, ouais. Enfin, genre, voilà, dans le chapitre sur la vie, j'aborde des notions de phylogénie, donc j'ai besoin de parler d'ADN, mais j'ai pas envie de définir l'ADN parce que ça serait trop lourd et que j'ai envie que ce soit acquis. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de visiter un endroit random d'une cellule quand je mets le lecteur dans la peau de Ant-Man, je le fais visiter une molécule d'ADN qui n'a aucune autre raison. Enfin, il y a aussi la raison de c'est là où on associe en général notre identité génétique et donc c'est quand même important en termes purement introspectifs et grandes questions de savoir qu'une bonne partie de notre ADN va coder. Voilà, il y a le plan de fabrication des cellules dans l'ADN. Même si c'est une métaphore qui a ses limites quand même. Et donc voilà, c'est pour ça que j'introduis l'ADN à ce moment-là. Pareil pour la physique quantique. À un moment, je me suis fait des sueurs froides parce que j'avais parlé de monde quantique, mais plus tard, je parlais de physique quantique, mais j'avais pas défini ce que c'était la physique quantique. Et c'était genre horrible. Donc voilà, ça pose plein de questions comme ça. Et comme il y a énormément de notions qui sont très, très variées et très, très différentes, j'ai dû trouver une espèce de manière de centraliser toutes les notions que j'abordais. Et en fait, j'ai construit un document avec, à chaque chapitre, je mettais toutes les notions que j'abordais et je les listais une par une et je regardais s'il y en avait une qui apparaissait deux fois dans des chapitres pour voir si elle était bien introduite au bon moment. Et c'était ultra galère. Enfin, je recommande à personne de faire ça, c'est horrible. En fait, t'as fait un espèce d'arbre phylogénétique de ton livre. C'est un peu ça, ouais. Et en fait, il y a eu plein d'itérations du bouquin qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce qui fait que pendant les phases de relecture, donc j'ai fait relire ça à plein de gens très différents, une quinzaine de personnes à peu près. La plupart étaient des experts et d'autres, c'était du public, le public cible, quoi. Et en fait, à chaque fois, c'est des gens qui ont eu des versions très différentes des chapitres. Je pense que voilà, la version que tu as lue, Pierre, du chapitre sur la vie, elle a été modifiée. Pas mal. Je peux attester que là, je suis en train de la relire. Enfin, je venais de finir de la relire avant que tu viennes ici et j'étais là. Oh putain, ça a vraiment énormément changé quand même. Ouais. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que j'ai fait relire le livre, enfin la version pré-finale du livre à Robin Isnard de la chaîne Tout se comprend et qui m'a proposé gentiment de faire ça sur Twitch devant avec ses cinquantaines de gens devant sa communauté et j'ai trouvé ça génial comme idée, même si c'était ultra flippant parce que j'avais passé 4 ans sur un truc tout seul dans mon coin et là c'était retrouvé au grand jour et voilà, avec toutes les critiques que ça pouvait avoir lieu. Enfin, je me suis dit si critique il y a, autant que ce soit maintenant et autant que ce soit pas quand le livre soit publié et que ça va me suivre pendant les 40 prochaines années de ma vie, quoi, parce que sinon voilà, ce serait particulièrement nul. Et il se trouve que voilà, donc Robin il a fait sa relecture publique, ça a pris plusieurs semaines, il a fait des lives de 5 heures à chaque fois, enfin c'était un truc de malade, à chaque phrase il s'arrêtait et il faisait une grande digression sur qui était à chaque fois pertinente. Et j'ai écouté ça, bon j'ai écouté ça en accéléré quand même, mais j'ai quand même écouté ça en entier et il y avait sa communauté qui faisait des retours en même temps. Et pendant 4 ans, en fait, j'ai eu extrêmement de mal à trouver une espèce de cohérence globale à ce bouquin, parce que les choses que je voulais raconter étaient très différentes selon ce que je lisais, et j'ai énormément évolué dans, bah, dans ma vision de la vulgarisation, dans ma vision politique du monde, dans la vision de ce qu'est la science, de ce que devrait être la science. J'ai lu pas mal de trucs qui m'ont fait me questionner sur ce que je voulais initialement dire, et qui m'a fait radicalement changer au dernier moment tout ce que je voulais dire. Donc il y a littéralement des chapitres qui n'apparaîtront jamais. Il y avait des trucs sur la convergence évolutive, sur est-ce que l'évolution est convergente ou contingente. Il y avait des chapitres où j'emmenais le lecteur de Ant-Man, là je l'emmenais dans le monde des champs quantiques, mais ça posait un problème narratif qui était que les champs quantiques c'est ontologiquement différent, enfin la description elle est radicalement différente de la physique des particules avec ses quarks et ses gluons. Donc c'est pas juste une question de diminuer l'échelle pour arriver aux champs quantiques, c'est juste tu dois être transporté dans un autre univers. Ça ne pouvait pas coller. Je voulais parler d'asymétrie entre matière et antimatière, mais ça m'a amené à des considérations tellement complexes que je me suis dit je vais perdre tous mes lecteurs, donc je ne l'ai pas mis. Je voulais parler de paléontologie et des différentes branches du buissonnement humain, et je me suis dit bon, si je commence à aller sur des sciences un peu plus humaines, je vais me faire défoncer, donc je ne vais pas le faire. Donc voilà, il y a eu plein de questionnements, et en fait pendant les trois dernières semaines avant la publication du bouquin, j'ai tout réécrit, et ça a été un moment horrible de ma vie. mais à la fin ça a donné quelque chose dont je pense être un peu fier quand même, et voilà. Bah écoute, t'as bien, enfin pour moi l'exercice est vraiment réussi en tout cas. Pour faire un lien avec une étape de rédaction dont tu as fait l'épreuve, mm-hmm. Tu as rédigé une thèse aussi dans ta vie. C'est moins compliqué que de rédiger ce livre-là. Et ben voilà, c'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. Je voulais avoir ton ressenti sur les différences de rédiger une thèse qui est quand même un manuscrit qui doit être complet. Mm-hmm. Quelles sont les spécificités de l'un? Quelles sont les spécificités de l'autre? Quel est celui pour lequel tu as pris le plus de plaisir? Quel est le plus difficile? Comment tu... Parce que donc... La thèse, c'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche. Mmh. Et ça, c'est, j'ai l'impression, l'aboutissement de une sorte de quête méditative scientifique. Un truc vraiment personnel, quoi. En fait, je dirais que ce qui a poussé toute ma carrière jusqu'à présent, c'est purement des considérations personnelles. Enfin, j'ai une espèce de curiosité un peu débordante et j'arrive pas à me focaliser sur une question en particulier. Donc, la vraie difficulté de ma thèse, ça a été de rester focalisé sur une question pendant 3 ans. Mmh. Et ça, on en a beaucoup discuté avec mes directeurs. Ils ont dû requérir pas mal de méthodes pour essayer de focaliser mon attention. Donc, on avait 2 réunions par semaine, ce qui, en thèse, pour la plupart des gens qui ont eu des thèses, c'est juste impensable. Mais deux fois par semaine, je devais avoir des nouveaux résultats à présenter à mes directeurs, ce qui était une espèce de course sans fin. Mais bon, voilà, j'ai quand même vécu une très bonne thèse et j'étais ravi de faire ça avec mes 3 directeurs. Comme dit Niv, c'était une des thèses qui était trending sur Twitter. Oui. Alors ça je m'en remettrai jamais, je pense. Hashtag #CarasSousLive, on était devant Jean Lassalle, c'était incroyable. Trending topic européen, s'il vous plaît. Bravo. Et donc voilà, alors que moi, pendant cette soutenance, j'étais en train de me chier dessus, quoi, littéralement. J'étais en train de littéralement de trembler. Alors ça a été filmé, donc on voit ma voix qui tremble et tout. Enfin, j'étais pas bien. mais voilà, c'est arrivé. Et donc pendant... En fait, je me suis engagé dans une thèse pour les mêmes raisons que je me suis engagé dans les sciences, c'est que je voulais avoir une compréhension, une vision d'ensemble. En fait, voilà, c'est ça le vrai truc qui lie tout ce que je fais, que ce soit en vulgarisation, en recherche, etc., c'est d'avoir une vision d'ensemble du monde. Et quand j'étais tout petit, je me suis demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que je comprenne tout. Alors j'ai lu des encyclopédies, j'ai lu des dictionnaires, j'ai lu Wikipédia, j'ai regardé toute la vulgarisation sur plein de sujets différents, j'ai lu des bouquins, et à un moment je me suis dit bon, j'ai envie d'avoir la compréhension d'un champ complet cette fois, pas juste des petits bouts superficiels, et donc je vais faire une thèse. Et donc je voulais, en fait à la base je me suis dit Au début, je vais faire une première thèse et après, je vais faire une deuxième thèse. Alors, la première, elle sera sur l'univers et j'ai envie de faire les trucs les plus grands de l'univers. Et ensuite, j'ai envie d'étudier les trucs les plus petits. Donc, on va aller sur la physique quantique. Et ensuite, j'irai sur la biologie. Je pourrai comprendre le vivant. Et ensuite, j'irai sur la conscience. Et ensuite. Donc, je voulais devenir l'hyper-docteur original, quoi, Plus qu'Idriss Aberkane. Plus qu'Idriss Aberkane. Ah, mais mon modèle, c'était le mec de Code Quantum, là. Ah, bah, bien sûr. C'est Sam Beckett. C'est ça. Qui est joué par Scott Bakula et qui avait genre 5 doctorats et qui était, voilà, vendu comme le génie, mais le génie empathique en même temps. C'était une espèce d'ange gardien interdimensionnel. Et donc voilà, c'était une espèce de rôle modèle fictionnel et je voulais devenir ça. Et donc j'ai fait une première thèse et après je me suis dit, plus jamais ça. Et je me suis dit que la quête d'avoir plein de thèses, à part juste d'avoir l'air d'un gros cerveau, ça vaut pas forcément grand chose, parce qu'au final, j'ai acquis, le fait de faire une thèse, ça te donne des compétences quand même, ça te donne des compétences pour lire des articles scientifiques, pour les remettre dans leur contexte, pour chercher des infos. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant ma thèse, le truc que j'ai préféré faire, c'est rédiger l'introduction. Parce que l'introduction, c'est cette remise en contexte de la question qui va t'occuper pendant la thèse. C'est pas les chapitres où je décrivais ce que moi je faisais, mais c'est les chapitres où je décrivais ce que tous les autres faisaient. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, et j'avais envie de trouver une activité qui me donne ce plaisir-là, mais sans avoir à débugger du code pendant 90% de mon temps. Et c'est pour ça que je suis allé dans la vulgarisation. Je me suis dit que voilà, c'était une bonne manière d'apprendre des nouvelles choses qui sont pas de mon sujet d'expertise. Et au final, dans ce bouquin, j'aborde quasiment pas mon sujet d'expertise, parce que je considère que je suis allé suffisamment loin dans ces questionnements-là pour... Alors, c'est un peu égoïste de ma part, hein, je pourrais dire. Je garde ces connaissances pour moi maintenant, elles sont juste à moi. Mais c'est ça qui me passionne, en fait, dans la vulgarisation. C'est le fait d'avoir plein de nouvelles questions dans plein de disciplines différentes et de jamais entrer dans cette zone de confort académique qui pour moi, est un peu ennuyante, en fait. Je me voyais pas faire carrière dans les mêmes questions et d'avoir le même de jouer ce même séminaire là pendant 20 ans de ma vie, parce que je les voyais, ces vieux chercheurs là qui étaient là sur la même chaise de l'Institut d'astrophysique de Paris et qui posaient systématiquement les mêmes questions à tous les intervenants, quel que soit le sujet des conférences. C'est pas une question mais une remarque. Oui, bah voilà, ils ont toujours des remarques. Et du coup voilà, je voulais pas finir comme ça, mais en même temps Je le connais, le destin des chercheurs indépendants et des gens qui gardent qui font de la vulgarisation, mais complètement coupés du monde académique. Je voulais pas couper mon contact avec le monde académique. Et du coup, j'ai fait jouer mon réseau. Il se trouve que j'avais lancé un truc qui s'appelait En direct du labo il y a quelques années, qui m'a donné un bon carnet d'adresses pour contacter des chercheurs. Il se trouve que je connais plein de gens dans le milieu académique via mes activités de vulgarisation. Et donc, en fait, ça m'a donné accès à des événements, à des colloques, à des écoles d'été qui sont normalement accessibles que pour des gens qui sont dans le milieu académique. Mais maintenant que j'avais plus accès à ça, j'étais obligé de faire jouer ce réseau-là. Et ce qui a permis de garder un contact pragmatique avec le monde de la recherche, c'était aussi les sites de piratage. Mais très, très sincèrement, s'il n'y avait pas Sci-Hub, les Library Genesis et Archive, sur lesquels il ne faut absolument pas aller, parce que c'est illégal, ce livre, il n'existerait juste pas. Hein. Enfin, c'est tout simplement. Bien sûr. Écoute, on va mener comme cette interview vers la fin, et bien entendu, donc tu nous as parlé des spécificités de ton mode de relecture, ça c'est une chose, mais il s'agit quand même de ton premier essai publié. Mm-hmm. C'est pas ton premier écrit, est-ce que tu as écrit des choses avant, et surtout, est-ce que c'est ton dernier, ou est-ce que tu as un projet éditorial en cours ou à mener plus tard? Alors, pour répondre à la première question, c'est pas exactement mon premier écrit, mais c'est mon premier écrit solo. Il se trouve qu'en 2014, j'ai participé à un projet éditorial qui était les meilleurs blogs de science en français, qui était publié par qui ? J'ai oublié. Par les éditions Autrement, je crois ? Je sais plus. Bref. Et donc, voilà, j'ai jamais vu la gueule du bouquin, hein, je l'ai jamais ouvert, mais j'avais écrit un article de blog à un moment sur l'intrication quantique, je crois. Et ça avait bien plu des gens à l'époque. Je l'ai pas relu, donc je sais pas ce qu'il vaut. Mais, Mais voilà, donc on est sur un écrit de cœur là. Non mais à l'époque c'était mon premier écrit de vulgarisation, donc ça faisait plaisir quand même. Ça a été publié, mais c'est pas un livre en soi. Donc oui, c'est mon premier projet éditorial en solo, qui est aussi accessoirement un projet de vie. Donc voilà. Donc il y a évidemment d'autres projets éditoriaux à l'horizon. Bon, je vais quand même prendre une pause parce que la fin de la rédaction a été l'un des moments les plus éprouvants de ma vie, sur plein de niveaux. Mais par contre, j'ai très envie de continuer ça parce que j'ai développé une espèce d'échafaudage intellectuel sur lequel maintenant je peux construire des trucs par-dessus. C'est-à-dire que j'ai passé toutes ces années là à prendre des cours sur tous ces sujets-là. Je les ai rassemblés à un endroit comme ce que faisait Humboldt avec ses boîtes en carton, mais sauf que moi j'ai créé un GitHub qui est une espèce d'encyclopédie personnelle et qui a un petit peu changé ma manière de consommer de l'information. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, je le mets dans mon GitHub personnel et je mets la source de ce que je vais lire. Donc, à chaque fois que je sors un chiffre, je sais d'où il sort. Et comme j'ai une très mauvaise mémoire, je peux toujours revenir là-dessus. Et comme c'est moi qui l'ai écrit, je peux y revenir facilement. Et ça, c'est une pratique que je recommande vraiment à tout le monde maintenant. Et ouais, j'ai plein de sujets qui m'intéressent. J'aimerais bien écrire un truc qui s'appellerait La Terre et nous et qui parlerait de sciences du système Terre et de toutes les de l'histoire des sciences du système Terre, parce que je trouve ça fascinant et que ça intersecte avec plein de sujets qui sont politiques, histoire des sciences, mais aussi de considérations très pratiques sur la climatologie, sur l'histoire des paléoclimats, ce genre de trucs. Bon, évidemment, il faudrait que je discute avec beaucoup plus de chercheurs avant de pouvoir publier un truc à ce niveau-là. Mais il y a un autre projet sur lequel j'aimerais beaucoup me lancer. J'ai peut-être des pistes intéressantes. C'est de parler du très long terme et de ce que nous, humanité, on laisse sur du très très long terme. Genre tous les artefacts qu'on a balancés dans le système solaire, qu'on a créé des. Il y a une espèce de disque de Babel avec plein de extraits de toutes les langues de l'humanité qui se baladent sur la comète Chury en ce moment, qui a été mise sur la sonde Rosetta. T'as des bibliothèques sur Mars, t'as une Bible sur la Lune, t'as un disque, le fameux disque des sondes Voyager ou des sondes Pioneer, qui sont des trucs qui vont rester pendant des milliards d'années. Et en fait, ça m'interroge, ça. Genre, qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures, ou même pas du tout aux générations futures, mais juste à l'univers dans son ensemble. Et comment est-ce qu'on garantit la préservation du savoir sur du très très long terme? Et je me suis pas mal intéressé à ce genre de questions, du style stockage d'informations sur de l'ADN, ou des gens qui vont louer qui ont acheté des mines de sel dans lesquelles ils vont mettre des tablettes d'argile sur lesquelles t'as un énorme projet de collection d'archives, ou les gens qui réfléchissent sur les déchets nucléaires et sur comment est-ce qu'on prévient l'humanité du futur, comment est-ce qu'on parle à l'humanité du futur dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, comment est-ce qu'on les empêche d'accéder à ces trucs-là. Donc ça, voilà, ça pose des questions que je trouve assez fondamentales et qui m'intéressent énormément. Et si y a un projet, il y aura peut-être un truc à ce niveau-là, je pense. Trop cool. Il y a un de nos auditeurs qui demande puisque tu as quand même une voix assez caractéristique, il y a une version audiobook qui est prévue du Cosmos et nous. J'aimerais énormément, et j'espère que ce sera pas moi qui vais le lire, parce que j'ai pas une voix d'audiobook, je pense que j'ai une trop grande dynamique de voix qui fait que et j'ai une voix très nasillarde, ce qui fait que ça peut être très très agaçant sur du long terme, je pense. Ça va. Ouais, non mais je me rappelle très bien d'un commentaire qui me disait c'est une femme ou un lutin gay. Et dans les deux cas, je vois pas en quoi c'est une insulte, mais en tout cas, c'est ce que ça inspire à certaines personnes. Donc, voilà. Ouais, c'est rarement rarement les lutins gays qui font les audiobooks. C'est vrai que j'aimerais énormément. Alors, j'ai pas encore parlé de ça à mon éditrice, mais moi, j'écoute énormément d'audiobooks, donc j'aimerais. Voilà, ce ne serait que justice que ce livre arrive en audiobook, et puis pour des problèmes d'accessibilité, je trouverais ça très intéressant. Par contre, ouais, il faut que je trouve la bonne personne pour faire ça, Patrick Beau. Et si, voilà. Bah oui. Ce serait cool. On lui enverra le podcast. Pour conclure, ton livre est vraiment bourré de citations. Mm-hmm. On même beaucoup les citations sur Podcast Science. Donc, il y en a à peu près à chaque chapitre, mais aussi à l'intérieur des chapitres. Donc ça, c'est en plus, comme tu nous as dit, il y avait des easter eggs. Donc la première question, c'est comment tu as choisi les citations et surtout laquelle est ta préférée que nous utiliserons comme la fameuse quote de l'émission. Alors pour la première question, comment est-ce que j'ai sélectionné les citations? En fait, il se trouve que c'est une espèce de tradition dans tous les écrits de science de mettre des citations qui font intelligent. J'ai envie et tu trouves ça dans des articles scientifiques des fois. Bien sûr, même dans les thèses, il y a toujours généralement ça ouvre dans par les une thèses, citation. Ouais. J'ai été surpris par exemple de voir qu'il y avait tout le temps les mêmes citations dans les articles de biologie, sur tous les sujets que je voyais la citation de Dobzhansky, rien n'a de sens si ce n'est la lumière de l'évolution. Vous adorez cette citation. Attention, bien sûr, elle est géniale. Vous leur faites l'amour à cette citation. Donc en fait, j'ai appris à les collecter, à en chercher activement, des fois sur des sites de citations. Mais en fait, je me suis rendu compte que sur les sites de citations, t'as très rarement des citations que les gens ont vraiment dites. Et je me suis rendu compte que c'était périlleux d'utiliser des citations. Il y a une citation, alors je vais en citer deux pour la peine, mais il y a une citation qui est systématiquement attribué à Arthur C. Clarke. Je vois de celle que tu parles, ça m'a fait rire. Voilà, oui, c'est deux possibilités existent, soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne sommes pas, les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. Et bien en fait, il y a un site qui s'appelle Quote Investigator qui a cherché l'origine de cette citation. Et en fait, c'est Stanley Kubrick qui mentionne à un moment un écrivain britannique de SF connu sans le nommer, et t'as 10 autres personnes de plein de backgrounds différents qui ont 10 versions différentes de la même citation, qui mentionnent parfois Arthur C. Clarke, parfois Carl Sagan, parfois gnagnagna, parfois tatata. Et en fait, on ne sait pas qui a fait ça. En fait, c'est le troll. En fait, c'est Kubrick, c'est lui qui a inventé la citation et il a fait le. Et c'est parfaitement possible. Et ce qui fait que, à la base, j'avais mis Arthur C. Clarke, maintenant j'ai mis auteur inconnu parce que, on sait pas. Voilà. Et donc j'ai appris sur le même GitHub, il y a un truc citation, poésie, et voilà, c'est là où je fous tout ce que je trouve joli. Pour la citation que j'aimerais que j'ai choisie, c'est une citation de Ptolémée qui nous vient de l'Almageste, qui a été écrite probablement au deuxième siècle de notre ère et qui est surprenamment prescient et qui correspond complètement au feeling général du livre. Donc je pense que c'est la citation la plus appropriée que je peux citer. Et cette citation, elle nous dit moi qui passe et qui meurs, je vous contemple, étoile. La terre n'étreint plus l'enfant qu'elle a porté. Debout, tout près des dieux, dans la nuit au sans voile, je m'associe, infime, à cette immensité. Je goûte, en vous voyant, ma part d'éternité. C'est pas mal. Voilà. C'est merci cool, Ptolémée. Hein. Merci Claude. Il s'appelait Claude, vous rendez Claude Ptolémée. Oui. D'accord. Eh bien, c'était fantastique. C'est beau de voir un auteur prendre son livre pour en citer des passages. Vraiment... Il y en a des très très bien. Moi, j'en ai lu une de Cicéron. Oui. J'ai noté que j'ai bien aimé. Elle est incroyable. Le songe de Scipion. Donc, je vous la laisse lire parce qu'on en a déjà cité deux. Mais ça nous a fait extrêmement plaisir que tu viennes, Sébastien. Je suis extrêmement honoré d'être ici et je vous remercie beaucoup d'avoir dédié un épisode juste... pour moi, et c'est super gentil, voilà. Bah écoute, on prend rendez-vous, ça nous a fait décembre 2028. Quand vous aurez débunké l'intégralité du bouquin. Exactement, voilà. Quand... Non, pour ton prochain. Ah oui, pour le prochain, oui. Pour ton prochain, si ça dure 7 ans avant le prochain, c'est qu'il y a eu vraiment un problème, hein, je pense. Voilà. On aura peut-être débugué la chatroom et le son au départ. Non, et on non. Saura faire des transitions, peut-être, on ne sait pas. Ça, je ne crois pas. Donc, en attendant, jetez-vous sur le livre de Sébastien Carassou, Le Cosmos et nous, dans toutes les bonnes librairies, depuis aujourd'hui, à la date où nous enregistrons, le 10 novembre 2021. On te recevra avec plaisir la prochaine fois. N'hésitez pas sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez, Spotify, Apple Podcasts et j'en passe, à mettre des étoiles sur les podcasts. Ça améliore notre référencement et c'est comme ça que d'autres personnes nous découvrent. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le faire. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine et que servir la science soit votre joie. Mmh.